Nous voilà de retour. Nous allons donc pouvoir lancer les dés. Alors, allez-y. On va pour que ce soit à peu près ce qu'on va, on va lancer un par un. Dans ouais. le sens, je cite qui lance et comme ça, bah, on, ce sera plus lisible. Merci à toi, Magister, pour donc sympa l'intro. La personne concernée le saura. Bah écoute, Catherine, à toi donc. Je te laisse tirer ton. Alors, cette fois-ci, on va commencer d'abord pour les jets de chance et après on fera chacun pour, ouais. Pour vos trucs. Jets de chance. Donc, jets de chance. C'est une réussite, donc je fais rien de plus. Donc, c'est... Alors, donc voilà, tu vas maintenant lancer les différents jets que tu ouais, dois. J'en ai que deux. J'ai bibliothèque et toc. Eh bien, vas-y, je te laisse faire ceci. J'espère rater bibliothèque, ça m'arrangerait. Putain. pas de soucis, je décoche. Hein. Toc. Il fait un 12, quoi. Elle fait un 12. Oh, mais merde. Mais là, ouais, mais en fait, Catherine, il faut pas faire tes jets maintenant. Bien. Ça, il faut les garder pendant la session. Bah oui. Et bienvenue au club, hein. Parfait, franchement, bah écoute, je m'améliore nulle part. Je pense que tu abuses, que Catherine. Pendant la session, je ferai pas des meufs. Ça ne va pas aller. Hein, tu vas complètement te planter après. Bon, bah j'ai fini. Auxide ou Axen, je ne sais pas. Alors, bah dans le sens, on va faire Nelson. Nelson Besboro, donc tu vas faire ton jet de chance. Mais là, je vais rater. J'ai trop de chat. Voilà. Donc, voilà. Et maintenant, tu vas pouvoir lancer alors, le jet en question. J'en ai plein. Alors ça, alors ça c'est quoi ça? C'est bibliothèque. Et donc bah, en fait il faut faire un échec, donc tu as fait un échec, donc tu vas pouvoir lancer un jet de 10, un des 10 exactement. Oh, oh. Allez. Allez. Oh là là, alors... il se tape un 10 en bibliothèque. Alors franchement, je pense que il pourtant, a tellement lu. J'ai lu un calepin de deux pages. Voilà. En fait, il a tellement lu pendant ce scénario qu'il a, il a appris plein de choses. Ah, il est où mon truc bibliothèque hein. Voilà, hein. C'est ce qu'on appelle réussir un jet de bibliothèque. Voilà. Maintenant, tu passes à 60. C'est beau. Alors, maintenant, c'était. Loupé. La discrétion. Discrétion. 6. 6. Ouais. Alors, voyons. Franchement, ce genre de van. Persuasion, là, ça risque pas beaucoup, beaucoup. Ah, on sait jamais, hein. Oh. Hé, hey, regarde. Oh. Ouais, moi, j'arrête de jouer, hein, c'est ouais. Bon. Hein. Non, il y en a qui se mettent un peu trop bien. C'est pas l'appel de Cthulhu, c'est l'appel de Nelson. C'est... Ah non, là, là, tu as pas été... Ça te fera déjà... C'était quoi le jet? C'était persuasion. C'était la persuasion et tu as fait donc 2. Ouais. Tu peux rajouter 2. Ouais. Il a quand même 72 ans, c'est pas Magister, mal. Lui, ouais. il est ultra sympa. Quand ses joueurs font un 100 sur leur jet, il leur fait faire 2 dés 10. Il a loupé. Le top ah loupé. Bah, tu peux pas tout réussir. Hein. Donc c'est bon. Pour toi, c'est bon. On va continuer c'était, par... C'était rentable, on va dire. Ouais, je pense. Peter, fais-moi ton jet de chance. C'est bon, je le rate. Alors, vas-y, ton petit D10. Wouah, un 7, magnifique. Bien. Je vais commencer par quoi, Toc? Ah, tu fais ce que tu veux, tu fais dans l'ordre ce que tu veux. Non. Ah. En même temps, pourquoi t'avais 77 je... Attends, Bon, allez, charme. Toc, c'est difficile à monter. Hein. Charme. Bon. Mais t'as 70 en charme, ouais, putain. Putain. J'avais dragué. Ah ouais, mais Peter, en fait... Il est américain, je vous rappelle. Hein. Voilà. Ah là. C'est le moment de faire un 10, oui, là. Mais c'est ça, mais il a plus de charme que moi, c'est incroyable. Ah, oui. Ouais, mais c'est un acteur américain, Catherine. Bon, après, c'est il un a acteur pas tant américain. C'est l'American style. Il a 5 points de plus, là. Il est là. Bah, t'en fais pas, c'est un G. J'ai fait 7, ok. Soit Valaf, normalement le MJ est censé être sympa avec les joueurs. Il est censé les guider de façon, on va dire, bienveillante. Parce que sinon... Non, bon, après... Pas ou ça, alors... Si ou je alors... lui dis, dis là, ça, ça lui va lui, de, lui donner de bonnes idées. Non, mais bon, après, après ça dépend tout à, évidemment du jeu auquel vous jouez. Hein. Si tu fais oui, du macadabre, oui. Tu vas pas être trop sympa avec tes joueurs. Hein. Non, mais même, c'est la chasse 78. Écoutez. Yes. Wow. Il a des gourdes. Oh, yes. Bravo. J'entends des choses. Oui, je suis un meneur de jeu bienveillant, mais ça dépend du jeu, exactement. Ça dépend du jeu. Alors, t'as tout fait là, Peter, c'est bon? Ouais, j'ai tout fait. Allez, bah écoute, on va finir par Emilio. Emilio qui n'a rien coché. C'est bon, je pense à dit. Donc déjà, t'as de la chance, c'est bien. Et ouais, 8. Très bien. Je passe à 49. Voilà, c'est fini. Non, mais t'as pas réussi genre un jet de toc ou un truc du genre? Non. Non. Dans ce scénar, t'as rien réussi du tout? J'ai rien réussi. Vraiment. C'est parce qu'il sait pas lire en fait, il est illettré. Et comme j'essaie de me rappeler un petit peu de. Moi je suis un gamin des rues, tu vois. En bibliothèque, j'ai 20. En top, j'ai 59 et j'ai pas eu de chance. C'est vrai qu'après ce scénar, il était vachement porté bibliothèque. Ouais. Et la seule fois où tu aurais pu faire un truc, tu t'es chié dessus au niveau du pied de biche là. Et c'est. Et c'est Peter qui a fini le boulot. Si, j'ai fait une réussite extrême pour couper les fleurs, là, mais il m'a dit, fais un jet de force. Pas de truc, que ce soit quoi. Ah oui, t'as fait un truc. Ouais, mais ça, malheureusement, la force, tu peux pas... Ouais, bah là, tu vois... Non, mais en fait, c'est ça. Alors, attends. On va essayer de trouver un truc qui pourrait s'apparenter à de la force pour que, quand même, tu sois récompensé. Ce serait dommage que... Un peu d'argent. Non, mais on va dire... T'as trouvé une bourse par terre? Alors, parce que t'as réussi un jet de force en extrême et que je suis extrêmement bienveillant, je vais t'accorder à ce que tu choisisses une compétence et que tu tires un jet là-dessus. Mais tu choisis... peux pas accepter. Non, si, tu vas accepter, tu n'as pas le choix. Ouais, je vais prendre combat rapproché parce que c'est à quoi ça ressemble le plus. Comme tu veux. On a le MJ le plus gentil. Ah, bah, parce que voilà, il faut récompenser les bons jets. En plus, voilà. C'était un extrême, donc... Bon, eh bien, ça n'a pas été fonction. Non, mais... Ah ouais. Ok, alors maintenant pour Fantasy Ground a décidé c'est pas ta soirée. Pour clôturer cette série de jets, nous allons terminer par un jet qui, parce que vous avez quand même réussi à récupérer le bras gauche, hein, vous allez tous me faire un jet de. Un D4. Un des quatre, ouais. Et ce sera le nombre de points que vous gagnerez en SAN. Que vous gagnerez et non pas perdre. C'est ça qu'on est à la quatre. Voilà, donc là vous pouvez vous rajouter autant de points que vous avez en SAN, à votre SAN. Je crois que j'ai réussi à rembourser ce que j'ai perdu dans le scénario. Ah, Emilio est redevenu fou. c'est marrant, ça se passe une fois sur deux. Hein. Je pense que Milo est très instable. Milo, tu es très instable. Ça ne va pas du tout, ça. 76, que je serai instable. Bon, alors, voilà. Donc, maintenant, nous allons pouvoir reprendre là où nous étions arrêtés. C'est-à-dire que vous êtes retourné dans vos pénates. Et... C'est qu'avant d'y aller sous la couette, je prends un bon bain, quitte à le prendre à deux. Exactement. Maintenant, bien se frotter le dos, bien se frotter partout. Revenons à nos moutons. Vous êtes donc retourné dans vos pénates. Après, on va dire, une journée plutôt... Enfin, deux journées, deux, trois journées plutôt harassantes, compliquées... et là, vous êtes quand même assez exténué. Surtout que ce qui s'est passé à l'asile a fini de vous achever au niveau psychologique, puisque bon, la folie furieuse de Guimard et cette ambiance un peu malsaine qui rôdait dans les couloirs de l'asile était plus que troublante. Vous allez donc vous coucher. Et... Il y a toujours de la musique? Je sais pas si c'est bon. Et... Pour la nuit, enfin, la nuit se place plutôt bien dans l'ensemble. Mais une personne va avoir du mal à s'endormir, ou du moins à dormir convenablement. Nelson. Les autres, je vais leur demander, s'il vous plaît, de pouvoir enlever les casques. J'ai encore rien fait, monsieur le MJ. Tu n'as encore rien fait. Tu as fini par t'endormir. On veut dire qu'il est à peu près 2h du matin. Et c'est là que tu ressens une espèce de fraîcheur, une froideur qui vient troubler ton sommeil. Tu es toujours endormi. Tu as pas, enfin, bizarrement, tu sens que t'as conscience d'être endormi, mais tu ne peux pas te réveiller. Tu sens que même ton corps ne te répond pas, comme si tu avais envie de bouger, mais que pour une raison que tu ignores, tu n'arrives pas à faire le moindre mouvement. Tu sens cette froideur, ce froid qui vient petit à petit se rapprocher de toi, et peu de temps après, au froid qui t'entoure, vient se mêler une odeur, on va dire, plutôt désagréable, une odeur de terre humide, mais très forte. Et au fur et à mesure, cette odeur te paraît de plus en plus forte, jusqu'à un moment où tu ressens sur ta nuque un souffle froid, très froid. Ce souffle est suivi d'une désagréable sensation d'ongles, de griffures, limite, qui sur ta joue. Comme si quelqu'un venait, tu sais, passer des ongles féminins, tu sais, bien griffus comme ça, là, sur ta joue. Et tu ne peux toujours pas bouger. Même si je fais tous les efforts du monde. Ah, tu fais tous les efforts du monde. Tu sens que tu es dans l'incapacité totale de faire quelque chose. Tu te sens vraiment vulnérable à ce moment-là. Jusqu'au moment où tu entends le tout en français. Quelqu'un qui te parle et te dit: qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Moi qui connais pas le français, je peux pas répondre. Eh bien, aussi incroyable que cela puisse paraître, tu comprends exactement ce qu'il te dit. Mais rien, on n'a rien fait. Je vous promets, on n'a rien fait. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? On n'a rien fait, laissez-moi. Je répète encore une fois, et j'attends à ce que vous me répondiez. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? On n'a rien fait, on est allé voir des roses. Tu vas me faire un jet de pouvoir, s'il te plaît. Pouvoir. Qui c'est ça? C'est dans tes grosses caractéristiques, enfin, t'es les caractéristiques principales. Ah! Ben voilà! Pivert. Tu... Effectivement, tu vois qu'il va insister plusieurs fois pour te poser la même question, et tu sens que la question, au fur et à mesure qu'elle est posée, de plus en plus... de façon de plus en plus agressive, si je puis dire, entre guillemets. Jamais ouais. Violent, mais... Donc le ton est... Voilà, incitant et insistante, et puis le ton est plus oppressant qu'au fur et à mesure. Mais on va dire que tu arrives à dire des choses qui, à chaque fois, s'avèrent être la vérité, mais de façon détournée. un peu évoquer ta journée sans en dire les choses les plus marquantes, les plus importantes. Et tu vois qu'au bout d'un moment, eh bien, cette présence qui était à côté de toi s'estompe, se volatilise, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il n'y ait plus rien. Plus rien, et au bout de quelques minutes, tu t'endors. Ça m'apaise, je retourne là, ouais. Et tu repars au sommeil, normalement. Les gens, ils peuvent revenir mettre les casques. Oui. Voilà. Donc, la journée commence. Vous réveillez, vous avez passé une nuit plutôt agréable, malgré le fait que ça a été compliqué quand même la veille. Mais vous avez quand même réussi à trouver un repos qui vous a fait du bien. Maintenant, vous allez vous restaurer, prendre votre petit déjeuner. Maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire? Je vous écoute. Déjà, on va se rassembler. Parce qu'on n'habite pas dans le même coin. Et j'aurais une question au MJ. L'Orient Express, il part tous les jours ou... Alors, vous savez que il a un départ ce soir à minuit. Et il part... il va partir... prochain arrêt, ce sera pour Lausanne. Ok. Bon. Parce qu'en fait, on a récupéré le bras. Exactement. Façon, très, très simple. Et qu'il ne faut pas traîner à Paris pour aller chercher les autres, sachant qu'on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui a l'air de nous talonner. Je vous rappelle, il y a ce fameux Edge Wellington qui a l'air d'en savoir autant que nous sur où se trouvent les autres pièces. Et voilà, c'était la petite annonce que je voulais faire d'abord. Voilà. Après, ce qui se passe dans l'asile m'intrigue de plus en plus. Dans la pièce, j'étais sûr et certain aussi qu'il y avait une autre présence que nous, dans la brume, qui avait une forme humaine. Mais est-ce que c'est mon imagination ou parce que l'homme fou m'a montré qu'il y a un endroit de la pièce, j'ai deviné une forme humaine. Mais tu dis ça pendant qu'on est ensemble ? Ouais, enfin là, j'estime que vous vous êtes retrouvés à un moment, à un endroit, parce que vous allez prendre votre petit-déj, et puis à un moment donné, vous allez vous retrouver, que ce soit peut-être que, par exemple, Peter vous retrouve chez Catherine, parce que c'est le pied-à-terre de tout le monde. Voilà, donc vous avez vu du coup Peter qui s'est pointé chez Catherine et vous êtes dans le salon en train de faire un petit peu le bilan de ce que vous avez déjà accompli jusqu'à présent et ce que vous comptez faire par la suite en fait. Voilà. Voilà. Par rapport à la forme qui nous suivait, moi j'ai été interrogé cette nuit là dans un cauchemar avec des sueurs froides, à savoir ce qu'on a fait dans la journée. Mais je pense pas, je me rappelle pas avoir dit quelque quoi que ce soit d'intéressant. J'ai juste nié. J'ai rien dit quoi, je pense pas. C'est vrai que depuis notre passage dans ce train fantôme, j'ai l'impression d'avoir un peu changé. Tout du moins, ça m'étonnerait pas que cette forme soit quelque chose de bien plus. C'était une personne malveillante qui m'a interrogé. Je sais pas comment elle a fait pour me troubler dans mon sommeil. Ouais. En tout cas, il en avait l'air d'en avoir auprès de Guimard et j'ai peur qu'il lui arrive aussi quelque chose. Par notre faute. Et moi aussi, j'ai fait un rêve pareil, similaire. Où une voix... presque diabolique m'interroger sur ce que j'ai fait, ce que j'ai découvert. Je lui ai rien dit, par contre. J'ai rien voulu lui dire. Ça a été dur de lui résister. Voilà. Deux personnes ont fait un rêve. On les interroge. Quelqu'un nous interroge dans nos rêves, que c'est. C'est les plus ahurissants. Je pense qu'on devrait peut-être aller faire un tour à l'asile, encore une fois. Et essayer de deviner qui est cette personne qui a été retrouvée en bas. Ça m'étonnerait pas que ce soit la brume. Ça m'étonnerait pas que ce soit la brume qui nous suit, là, qui est sortie du sous-sol de l'asile. Alors, le sous-sol de la cave ou le sous-sol de l'asile? Il y a eu la cave où c'était le départ, il y a eu le caveau où c'était le départ, et il y a eu l'asile aussi où ils nous chassaient. Parce que le caveau, je crois la brume, était présente. Est-ce qu'elle ne nous aurait pas suivi je crois que quelque part qu'on aurait libéré quelque chose. Avant même qu'on aille à l'asile. Je crois que depuis la cave qu'on a pris le sceptre, le morceau, le fragment, on a libéré quelque chose, quoi. Est-ce qu'on ne devrait pas se renseigner un peu sur cette brume maléfique? Qui aura des informations là-dessus? Je regarde Catherine, s'il connaît peut-être en ésotérisme. Est-ce que vous savez où on peut trouver ce genre d'informations? À Paris. Alors? Catherine? Tu nous entends? Oui. Ah, je sais pas, monsieur. J'entends. Faiblement que Zen, je suis en train de monter son son, désolé. Ah, d'accord. Ah. C'est vrai que je parle pas beaucoup. Non, mais justement, je suis en train de remarquer que j'avais un peu du mal à entendre, du coup, j'étais en train de monter son son et au même moment, il y a eu un blanc. Du coup, si jamais il y a une question, je suis désolé, je l'ai pas entendu. Bah, en fait, la question, c'est qu'on cherche un coin où il y aurait des choses ésotériques à Paris, style, j'ai pas envie de dire Pigalle. Oui, alors mais... ça, j'avais cette information, mais j'avoue que. C'était parce qu'on voudrait s'en servir. Je peux demander de manière. Cher maître du jeu qui nous entend de l'au-delà, est-ce que tu sais si je connais des coins ésotériques sur Paris? Il est vrai que du coup, pour asseoir et améliorer tes capacités au niveau du tarot, hein, et peut-être et aux autres activités qui s'y rapprochent, tu as effectivement. Tu fais partie d'un club. Qui est spécialisé un peu dans ce genre de choses. Donc il est possible peut-être que parmi les gens qui font qui y sont, peut-être quelqu'un pourrait t'aider, ou peut-être pas, mais tu sais que tu as ce club, évidemment. Je connais rien, je connais personne. D'ailleurs, comment il s'appelle ce club, Catherine? Ah, c'est une excellente question. Ah ben, c'est ton club, c'est pas le mien. Là, je sais bien, j'ai réfléchi. Il s'appelle le club de la lune, parce que j'ai tiré une carte, c'est la lune. Le club de la lune, d'accord. On a déjà un club comme ça qui s'appelle la lune... Je sais plus quoi. Il y a le culte du soleil. C'est peut-être le même club. Ouais, mais c'est pour ça. Non, mais c'était le culte de l'aube d'argent, non? Ouais, ouais, l'aube d'argent et le crépuscule. Ouais, après, je pense pas qu'il y ait l'histoire de lune dans les autres, mais. Ouais. Non, mais si, non, mais c'est bien comme ça, on fait tout. C'est dans d'autres histoires, c'est classé. C'est classifié. Bah voilà. Donc allez à ce club. Attends, je suis un petit peu en train de regarder le son. On va monter un tout petit peu. Voilà. Donc tu as effectivement ce club de la lune, ce club spécialisé dans le tarot et un peu l'occulte, mais sans être vraiment de l'occulte pur et dur. Hein, c'est plus un peu des trucs de cartes, enfin voilà, pour être plus précis, c'est pas forcément des trucs occultes, genre le fez ou tout ça, quoi. L'écorché, voilà, tu vas pas jusque là, quoi, on va dire, hein. C'est vraiment un culte SM. Il faisait pas que tarot, tu sais. Moi, j'étais là que de 18h à 20h. Et ouais. À 21h, il commençait. Ah ouais. Oui. Après 21h, nous faisons l'ésotérisme et l'occulte. Peut-être se renseigner juste un tout petit peu. Si quelqu'un sait quelque chose, ça pourrait être vraiment être utile. Écoute, ça tombe très bien puisque ce club est à une dizaine de minutes à pied de chez toi. Il est tenu par une certaine Anna Brenstein. Voilà. Je voudrais bien que tu me l'écrives, s'il te plaît. Parce que... Ah bah attends, je vais déjà me l'écrire pour moi. Ouais. D'ailleurs, voilà. Tu es devenu flou, Gossed. Ah oui, bah ça va aller. Regarde, hop. Ah, ouais, parce que je suis Anna Brenstein. Alors, je vais l'écrire. Je vais l'écrire dans le Twitch. Voilà, comme ça, les gens auront aussi le nom. Okay. Hein. Vous aussi dans le Twitch, j'écrivais des noms qui ont pas de rapport en fait avec tout. Allez-y. Écrivez des jeux de mots avec Anna. Voilà, genre, Anna Brenstein. Voilà, c'est le nom de la personne qui gère ce club de la Lune. C'est une femme de 70 ans qui a, un certain standing. C'est une dame de la haute bourgeoisie parisienne. Et qui t'a un peu initié du coup à son art du tarot puisque elle est également une de tes meilleures clientes par rapport à ton business, si je puis dire ça comme ça. Voilà. Donc voilà, si tu le souhaites, tu peux les emmener la voir. Il est fort probable qu'il soit là. Par contre, n'oubliez pas que ce soir, à minuit, il y aura potentiellement un Orient Express qui s'en va. Oui, en gros, on a vraiment une journée pour tout régler. Quoi. Voilà, vous pouvez régler ça. Et puis bien après, vous déciderez de la marche à suivre pour la suite. Qu'est-ce que vous comptez faire en fait. Ouais. Bah, moi, j'ai les ordres. Oui. Ouais, vas-y. Moi, je sais pas. Moi, je suis. Moi, je suis de très loin. Voilà. Après avoir résolu nos affaires à Paris, je sais quelle est notre prochaine destination. C'est ce que je voulais. Bah, après, vous pouvez tout à fait en parler maintenant, faire la réunion, de savoir comment va se dérouler la journée et qu'est-ce que vous comptez faire, vous le faites maintenant. Comme ça, après, vous faites ce que vous avez à faire et tout s'enchaîne. Quoi. Enfin, après, je dis ça, c'est vous qui voyez, mais... C'est comme vous voulez. Moi, je vous dis ça comme ça. Vous qui prenez tant de notes sur nos trajets, quelle est donc notre prochaine destination ? Je vais vous dire ça. Normalement, ça doit être, je pense, Milan. Si je dis pas de bêtises, à part si c'est en cours. J'ai pas Milan. Ouais, le prochain artefact a été acheté par un Milanais. Okay. Alors, quelles sont les dernières informations vous avez récupérées ? Qu'est-ce que vous avez comme info que vous avez récupéré dernièrement ? Est-ce que ça veut dire qu'on fait quoi du bras pendant que certains cherchent dans leurs notes ? On va l'emmener avec nous pour amener tous les artefacts ou est-ce qu'on le laisse La logique voudrait que vous l'emmeniez puisque la finalité de votre trajet sera je la prends avec moi. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire trajet à part, genre il n'y a pas genre un système de poste international, un truc comme ça? Vous laisseriez les morceaux se balader comme ça sans vous? Pas confiance à un trajet aléatoire, par contre, pas confiance du tout. Non, mais dans un truc sécurisé, enfin, on prendrait pas juste la poste, mais tu vois, genre, si je verrais bien dans un coffre métallique, un truc comme ça, tu vois, genre. Un truc à l'abri, ça. Bah, après, vous pouvez tout à fait. Alors, l'Orient Express est équipé d'une salle, enfin, d'un espèce de coffre où les choses de grande valeur sont déposées. Vous pouvez tout à fait mettre votre. La fameuse caisse à double fond. que tu as récupéré chez toi, du coup, Catherine, et y déposer les différentes pièces que vous trouveriez, pendant le trajet. Et bah, à chaque fois que vous descendez, vous récupérez du coup cette caisse que vous gardez avec vous, machin. Et une fois que vous reprenez l'Orient Express, vous la remettez dans ce fameux wagon qui est normalement inviolable, normalement. Sauf quand ils ont des fesses rouges. Normalement, les fesses rouges n'existent plus, puisque... Enfin, du moins, le fesses rouge sans n'existe plus. Oui, c'est vrai, parce que... Car on l'a lu, hein. C'est que dans on a lu l'histoire. Les aventuriers du livre perdu l'ont détruit. Moi, du coup, j'ai les infos pour les prochaines pièces. Oui. Il y en a une à Venise, une à Trieste et un Midanais qu'il aurait obtenu après la Grande Guerre. Donc ça fait trois pièces peut-être en Italie. Ensuite, on a les royaux serbes, donc au Musée national de Belgrade. Donc c'est voilà, en Serbie. Et en Bulgarie. J'entends super près de... Ouais. Excuse-moi. Dans les royaux serbes et en Bulgarie, près de Sofia. Vous allez tous me faire un jet d'idée, s'il vous plaît. Vous allez avoir l'idée de vous rendre là-bas. C'est intelligence. J'ai de l'idée. Succès majeur. Idée. Ah bah non, mais moi je sais pas quoi, puis je vous suis. Alors du coup, Donc Emilio... C'est quoi déjà l'idée? C'est intelligence. Ah. Ah oui, c'est vrai, idée, effectivement. Oh voilà. Eh bien, pendant que vous, que Peter énumère les différents endroits potentiels où vous pourriez trouver un morceau du simulacre, tout d'abord, Catherine, tu te remémores que... quand vous étiez chez les Lauriens, eh bien, justement, le patriarche, hein, vous a fait part d'un courrier qu'il avait reçu d'un certain Edgar Wellington, qui vit à Lausanne et qui détiendrait justement des informations, lui, sur le simulacre de Sedefkar. Et qui du coup leur demandait en retour bah de s'ils avaient des informations ou s'ils détenaient quelque chose de le contacter. Il a d'ailleurs sur cette même lettre l'adresse de ce fameux Edgar Wellington. Et donc tu te dis que bah, peut-être que en plus ça tombe bien l'Orient Express passe à Lausanne que ça peut pourrait peut-être valoir le coup de passer le voir et quand tu évoques cette lettre évidemment bah vous avez toi Peter et toi Emilio vous faites tilt et dites, ah c'est pas con voilà. Nelson par contre tu ne te rappelais même plus de cette lettre malheureusement. Ah moi là en mode, qu'est-ce que vous faites ? Moi, je suis d'accord. Voilà. Il faut croire que la nuit, t'as un petit peu... Ce qui s'est passé, ça m'a complètement pété. Ça t'a un petit peu troublé et que... Voilà, complet. Donc, voilà. Du coup, c'était où, déjà, à Wellington ? À Lausanne. Et ça tombe bien, puisque le train part ce soir et son prochain arrêt sera, évidemment, à Lausanne. Les choses sont bien faites. Ce n'est pas le scénarium. Non, mais c'est vrai que je n'ai plus de ça parce que je l'avais considéré viteuf comme un. C'est pour ça que je me suis permis de. Déjà sur notre piste, mais c'est vrai que. C'est pour ça que je me suis permis de le faire en mode jet d'idées pour essayer de vous. Parce que de vous remettre un peu ça, parce que c'est vrai que c'est un document qui est passé. Et puis comme vous avez trouvé le simulacre. Pas coché, mais c'est pas grave. Voilà. Ouais. Bah oui, bah du coup, de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'on minuit, on prend l'Orient Express, du coup, on ira faire ça. Du coup, en fait, vraiment, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait sur Paris même, quoi. Est-ce qu'on a des trucs à finir? Est-ce que. Bah, a priori, enfin, là, Peter, là, on est en cours, là, on est en route pour aller au fameux club de la Lune. Mais bon, après, honnêtement, les connaissants, je sais que de toute façon, ça va pas être très probant. Hein. Ils sont bons en tarot, ils sont excellents là-dedans, mais alors. Quand tu sors un peu de ça. On peut lui demander d'invoquer des esprits, peut-être. De ce qu'on a vécu et ce qu'on a lu, le club m'a jamais fait entrevoir la possibilité de ça, de Bucard. Hein, c'est. Je pense que vous êtes très peu à avoir vécu ce genre de choses. Hein. Elle est dans une dimension autre. Enfin, une autre dimension, et en revenir, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont expérimenté cette chose, visiblement. Parce qu'on est trop fort, on est trop fort. D'autres qui n'hésitent pas à se manifester, on va faire une petite annonce dans le journal. Après, je sais pas si on a trop de choses à faire vraiment sur. Jusqu'à minuit, puisque c'est minuit l'heure du départ. Faut que je relise toutes mes notes. Après, en soi, pour être honnête, hein, pour éviter que vous ayez peur. Il y avait quelqu'un qui avait évoqué de retourner peut-être à l'asile. Oui. Peter avait évoqué parce qu'il était intrigué par ce qui s'était passé, mais d'abord, il voulait déjà essayer de trouver quelqu'un qui puisse un petit peu vous renseigner sur. Des trucs bizarres. Oui. Après, moi, sur mes contacts, etc., je sais que j'ai rien de plus pour trouver une personne. Ouais. Dans les contacts que j'ai notés, il y a malheureusement pas trop de suite. Mais. Parce que bon, François Leduc, il est sympa comme contact, mais il est conservateur, hein, il n'est pas non plus. Oui, je pense qu'il va avoir du mal à te renseigner, le François Leduc. Malheureusement. Bah, les conservateurs du musée du Louvre. Et moi j'avais dit, hein, tu viens avec le bras au musée du Louvre et tu nargues la statue avec la peinture. Ouais, mais en soi, est-ce que ça va vraiment faire avancer le schmilblick? Ça avancerait. Chercher la crème de nez avec le bras et se mettre à vivant. Écoute, on va prendre le thé chez tes amis, leur poser deux questions ou deux, trois petites questions. Puis ensuite, on va prendre un taxi pour aller direction, un taxi de la Marne pour aller direction. L'asile à Charenton, et puis de là on aura le temps, je pense qu'on sera revenu avant minuit pour prendre l'Orient Express. Ça me semble jouable. Ouais, je pense, ouais. De toute façon, on fera en sorte deux. Sauf si on meurt dans notre souffrance étouffée par de la brume. Eh bien, tu fais bien de dire, car à ce moment-là. La brume, Emilio, sauve-moi. Voilà, c'est ce que j'ai proposé ensuite. Voilà, c'est. J'ai pas trop d'idées. Alors, vous êtes dans les rues de Paris. Ouais. On va un peu détendre l'atmosphère parce que depuis tout à l'heure, je vous embête avec une musique horrible. Vous êtes dans la rue, les gens sont heureux, il y a quand même une bonne ambiance. Même si il fait froid, puisque nous sommes encore en hiver. Mais c'est une belle journée ensoleillée. De ces journées où. Le froid est mordant, mais le soleil vous réchauffe les cœurs. Vous avez une légère petite couche de neige qui tapisse le sol de la rue. Et les calèches passent, les gens, les femmes arborent des tenues un peu plus chaudes avec des espèces de fourrures qui viennent les embellir, les rendre de toute beauté, on dit. D'ailleurs, merci, Catherine, toi aussi, tu t'es vêtue d'une magnifique tenue dont tu es la créatrice, évidemment. Et les femmes se retournent à ton passage, te jalousant quelque peu, puisqu'elles te reconnaissent, évidemment. Tu es Catherine Lamberstone, la célèbre styliste anglaise qui vit, bien sûr, à Paris. Et vous arrivez, finalement, devant l'entrée du Club de la Lune. Et bah, vous rentrez directement. Et vous arrivez devant la porte de la nuit. Du club. Je vous laisse vous présenter, puisque évidemment dans le fond de la pièce se tient une femme d'un certain âge qui est en train de manipuler des cartes. Elle vous tourne le dos. Bah comme à l'habitude en fait quand je rentre, il y a une tu sais sur la droite une petite sonnette que tu fais un petit ding pour prévenir de ton arrivée. Ils sont en tarot, etc. Tu vois, genre, tu vas pas forcément les déranger alors qu'elle rentre tirer des cartes, tu vois. Mm-hmm. Donc, voilà, quand tu rentres, tu fais la petite sonnette, ça permet de. Qu'ils savent au courant sans les interrompre. Donc, je sonne, et on va s'installer à la table juste à côté d'elle, tu vois, genre comme ça, elle aura juste à se tourner pour nous parler si elle a envie. Ouais, donc, bah, vous rentrez, vous voyez que c'est une pièce typique de la un peu bourgeoisie parisienne, avec donc une espèce de moquette rouge pétant avec des motifs florals qui sont d'un goût certain pour cette époque, hein. C'est très très il y a beaucoup de raffinement, un beau lustre d'époque qui est fait de cristal qui tournoie un petit peu, qui bouge un peu dans tous les sens. De temps en temps vous pouvez les entendre tintiller un petit peu quand ils s'entrechoquent. Bah, toutes les tables sont sur toutes les tables vous avez des espèces de nappes brodées dans les mêmes tons que la moquette, donc c'était un rouge, un peu du rouge, du bleu, surtout encore une fois sur des thèmes florals, et des poteries, enfin des vases de très bonne qualité en porcelaine. Et des verres de vin, puisque bien sûr, pendant une séance, on ne va pas se gêner. Boire un petit verre de vin, c'est agréable, comme dit la chanson. Et vous voyez du coup ces dames qui sont en train de faire leur séance. Jusqu'au moment où, eh bien évidemment, Anna te voit. Catherine et... Oh ! Catherine ! Mais ça fait bien longtemps, ça me fait très plaisir. Mais viens donc. Et puis tu es venu accompagner. C'est magnifique. Bon, on s'installe. Enfin, je fais installer mes amis. Que me vaut ta venue? Tu es venu tirer les cartes? Pas aujourd'hui, enfin je crois pas qu'on en aura besoin. Oh, pas le temps, pas le temps. On doit prendre un train ce soir, malheureusement. Un train? Mais vous allez où? Oui. On fait un tour sur l'Orient Express. Oh, magnifique. Je l'ai pris il y a un mois de cela. Nous avons fait un magnifique voyage. Nous sommes allés à Milan. Nous sommes allés à Lausanne. Lausanne, très belle ville. Je m'en souviens encore. Et nous sommes allés après à Venise. C'était un magnifique voyage. Mais bon, tu sais, je ne peux pas toujours le prendre. Malheureusement, je dois m'occuper du club. Oui. J'espère qu'il tourne bien d'ailleurs, toujours les mêmes habitués. Beaucoup de monde, mais malheureusement que des femmes, tu vois. J'aimerais bien avoir des hommes, mais je pensais que ceux-ci auraient pu se joindre à nous. Mais bien évidemment, votre vin est très bon. Ah. Que je dis tout en anglais. Vous m'envoyez ravir. Elle ne parle français, moi. Hein? J'imagine qu'il parle en français, donc moi je... Oui, elle parle en français, tout à fait. Mais tu vois qu'elle essaye quand même. Of course, I speak a little bit English, but not very good. Magnifique. Non, bien sûr, après je traduis, hein, enfin, là, il n'y a pas besoin. D'accord. Tu leur diras qu'ils sont charmants, surtout le monsieur le plus âgé là-bas, je le trouve fort charmant. Oula. Donc, monsieur le plus âgé, quelqu'un est très très charmant. Non, là, les petits jeunes, Emilio et Peter, c'est trop jeune, ça. Elle regarde Nelson avec des yeux brillants, tu sais. Fort charmant, ce cher monsieur. Dire ça. Non mais c'est bien, il faut savoir plaire. Bon, je me tourne un peu plus vers mes amis. On lui demande quoi exactement? Parce qu'on peut pas dire exactement ce qu'on cherche. Comment on pourrait formuler ça? Faudrait voir qu'elle nous tire le passé, le présent, le futur. Hein. comme ça, on peut formuler une phrase, un résumé potable de ce qui nous arrive. Moi, je veux bien tirer les cartes à ce monsieur là. Je sens qu'il y a un bon fluide. Il y a un bon fluide. C'est du fluide qu'elle veut. Pardon. Oh là là. Bon, eh bien... Oui, faisons ça. Bon, finalement, on va... Tirez donc les cartes de notre cher... Ah, mais tout à fait. Venez, mon cher monsieur. Comment vous nommez-vous? What is your name? Nelson. Nelson. Je fais la traduction automatiquement entre les deux. Hein. Ouais. Bah, j'ai eu un très cher ami qui s'appelait Nelson, mais malheureusement, il est mort aujourd'hui. Mais bon, allons-y, asseyez-vous en face de moi. Asseyez-vous en face de moi. Allons-y. Donc, tu vois qu'elle met les cartes. Voilà. Et elle met une succession de cartes et elle te demande d'en tirer 3, comme il est de coutume. Gossette, je tiens à te dire, c'est pas bien de me faire rire quand je tousse. Bon, messieurs, vous allez pouvoir tirer 3 cartes. Choisissez donc parmi toute cette multitude. Je compte sur toi, Maxime, pour tirer 3 cartes. Ah, allez-y. Pardon. J'étais dans ma vie. Ouais, y a pas de soucis. Je vais prendre une carte au pif. Hop. I prendre 10 et 10 et 10. Très bien. Ok, et 3 bien, cartes. Tu as tiré l'empereur. Tu as tiré la roue de la fortune. Et évidemment l'ermite. Alors tu vois qu'elle réfléchit un peu à ses cartes, elle voit toutes ses cartes et puis elle te dit « Oh, mais c'est magnifique !» l'ermite, eh bien, tout simplement, c'est que ça indique un peu votre passé un peu solitaire, vous avez vécu des choses un peu... difficiles, yes, qui yes, vous ont of course, un peu yes. Isolé hein, de et vous ont un petit peu mis en marge de la société et ensuite je sais plus c'est quoi l'empereur et la roue et oui et donc un événement avec la roue est arrivé qui vous a un peu remis dans le jeu si je puis dire hein, avec cette roue et qui vous a apporté chance en vous en rencontrer peut-être des gens qui vont vous faire découvrir d'autres choses. Yes, yes, hein? Of course, yes. Et enfin, l'empereur, eh bien tout simplement, c'est que vous allez rencontrer une personne en particulier qui va vous faire, comment dire, découvrir de nouvelles choses. Une personne peut-être maintenant, hein, je ne sais pas, qui est prête à vous... à vous faire découvrir. Peut-être yes, yes, of course. Peut-être yes. L'amour, pourquoi pas. No, of course, no. Bien écoutez, c'est ce que disent les cartes. Moi, je ne fais que vous dire ce que disent les cartes, évidemment. Tant qu'elle tire juste les cartes et pas le fluide, ça va. Enfin bref, voilà. Bon, c'est pas ça, mais ça me fait très plaisir de vous tirer les cartes. Mais Catherine, alors que pourquoi êtes-vous là? Êtes-vous là? Tu as l'air de pas savoir ce que. Si, mais je sais pas comment le formuler. Je veux pas dire. Ouais, alors on a un truc occulte fois 1000. Dis-moi, tu connais des trucs sur le cul de. Alors attends, tu vois qu'elle a des cartes à côté d'elle et qu'elle commence un peu à en retourner quelques-unes. Et à un moment donné, elle tire une et elle fait. Je vois que cette carte. Et donc c'est de l'improvisation totale parce que je ne connais aucune carte de tarot suscite l'interrogation, la question tu te questionnes sur quelque chose et peut-être qu'en venant me voir, tu veux trouver des réponses, c'est ça ? Perspicace en plus. Ah bah c'est la carte qui me le dit, exactement. Moi je... Exactement, pas. Non mais c'est exactement ça. Quelle est donc ta question ? Tu avais dit quelque chose, j'ai plus entendu Gossel que toi. Tu as dit une phrase. Ça nous avait pas réussi chez les Loriens de pas être honnête, donc autant aller jusqu'au bout quoi, et lui dire pourquoi on est venu. Ouais, tu penses ? Allez, vas-y. De toute façon, tu reviens pas. Donc... Dernièrement, on a passé pas mal de temps à bibliothèque, tout ça, pour des raisons particulières, et par hasard, les cartes ou toi-même, parce que je sais que tu côtoies un peu ce milieu-là, à ton échelle. Voilà, on est un peu à la recherche d'artefacts de Selectar, si je le dis bien. Il est possible que je le dise très mal. C'est bien ça ? Selectar ? Selectar, c'est Selectar, oui. C'est Selectar, avec F. Il faut que je me fasse en phonétique. Voilà, et... On a appris, voilà, il y avait quelque chose un peu historique là-dedans, et ça nous intéresse énormément pour des raisons personnelles, et... je sais pas si t'aurais entendu parler de ça, si... ou si t'as, je sais pas, une intuition sur ça, est-ce que t'as pas des connaissances, surtout que nos dernières recherches nous a mené, peut-être ça tu connaîtras plus, c'est plus dans ton domaine, enfin, je veux dire, c'est plus facile d'accès. On est allé, j'allais dire, mais pas du tout, aidez-moi, comment ça s'appelle à l'asile. Un asile, voilà. Ouais, on est allé à l'asile de Charenton, rencontrer là-bas l'auteur Leroux, etc. Et je sais pas, ce lieu nous a quand même paru assez spécial. Tu n'as pas des connaissances dessus, déjà, de ce qu'on peut en tirer enfin, je pense que tu vas savoir que là-bas, il y a quand même une énergie qui se dégage, je pense, assez... Il est vrai que... Assez forte. Un asile, souvent, est un lieu où les énergies sont plutôt négatives, puisque les gens sont pris de maladies mentales qui font que c'est peut-être des énergies négatives qui les poussent dans cette folie. Maintenant, à savoir ce que vous auriez ressenti ou vécu là-bas... C'est difficile. Qu'est-ce que vous avez vu de spécial qui pourrait vous... Est-ce que Catherine, est-ce qu'elle a des petits dons de magnétisme ? J'y connais rien, mais j'ai ouï dire qu'il y a des gens qui pouvaient ressentir des choses en touchant des objets ou en s'approchant. On a réussi à trouver un carnet assez bien là-bas, à la cible. Mm-hmm. Ouais, on pourrait tester. Si elle peut pas, peut-être que quelqu'un d'autre a ce don-là. Ouais, je dois l'avoir. Ici, c'est elle, la matrone, celle qui, de toute façon, la mieux placée, celle qui nous a tout appris. Est-ce qu'on a pris le carnet sur nous Dans mes bagages, moi, oui, c'est quelque part. Hein. Donc on l'a volé. Ouais, bah. On l'a volé. Ouais, voilà, je sors le carnet et. Sors le carnet, voilà, je vous explique, écoute, ouais. Se faire toucher cet objet, il vient directement de là-bas, pour voir si tu ressens, toi, à travers cet objet, si tu sens les énergies qui... Bah, tu vois qu'elle prend le carnet et qu'elle pose ses mains sur le dessus, les deux, et puis elle ferme les yeux. Et vous voyez qu'elle se concentre énormément. Et petit à petit, vous voyez qu'à certains moments, elle a les sourcils qui fronce un peu comme ça, une mimique au niveau des lèvres où ça tique un peu, et elle vous dit oh, je ressens de la terreur, de la peur dans cet objet, de l'inconnu. Je ressens de la malveillance, de la méchanceté. Il y a beaucoup de douleur aussi. Beaucoup de douleur, beaucoup de... Et je vois qu'elle dit je suis désolé, je ne peux pas faire plus. C'est très compliqué et en même temps c'est très douloureux pour moi de cet artefact, enfin cette chose est emplie de malveillance et tu vois qu'elle lâche le look. Je ne sais pas où vous avez trouvé ça, mais je ne sais pas ce que vous faites, mais fais attention à toi, Catherine. Ça me dit rien qui vaille. Est-ce que vous connaissez une certaine brume capable de se mouvoir et prendre forme humaine? Une brume qui se bouge et qui se prendrait forme humaine? Écoutez, il y a bien... Moi, quand vous me décrivez tout ça, je suis en train de... Mais là, ce n'est pas mes compétences... dans les sciences qui me le disent, c'est plutôt que, et tu vois qu'elle sort un bouquin de derrière elle, tu vois, c'est un bouquin qui s'appelle Dracula, j'ai fini de le lire il y a quelques jours, et effectivement dans ce livre on y voit de la brume et ce genre de choses, mais c'est un vampire. Mais à part ça... voilà, c'est ce livre. Exactement. Oui, enfin, après... on connaît, bien entendu, cette grande littérature qui est Dracula, mais... j'ose espérer que rien de tel existe en ce monde. Hein. Voilà. Elle te dit, moi je ne connais pas. Maintenant, vous me parlez de brumes qui bougent, qui peuvent prendre une forme humaine. Et tu remontes le livre. Mais bon, de là à ce que ça existe vraiment, je ne pense pas. Ça reste un livre, c'est de la fiction, c'est pour faire peur, c'est pour faire peur aux gens. Oui, effectivement. Bon. Enfin, bref, voilà, je malheureusement, je crois que je vais ne pas pouvoir t'aider beaucoup plus, ma petite Catherine. C'était déjà très très gentil de ta part. Je repasserai dès que je peux. Ah, n'hésite pas, et puis emmène. Ce bon vieux Nelson avec toi, il me fera bien plaisir. Je l'emmènerai s'il en consent. Voilà. D'ici là, bon, prends soin de toi, fais-toi. Je tire discrètement la gueule, mais bon. Eh bien voilà, bah, écoutez. Alors attends. Tac. Bon, finalement, on n'en sort pas grand-chose. Hein. Faudrait que t'essayes, Peter, si tu peux mettre ton micro un peu plus en face de toi, parce que j'ai l'impression qu'il est un peu loin. Et du coup, quand on t'entend, bof. Bah, je suis au maximum. Oui, oui, non, mais... C'est à 200, parce que j'avais vraiment du mal à t'entendre. Ouais. Je sais pas. C'est Discord. Je vais t'augmenter aussi, je pense. Là, c'est mieux. Oh ouais, non, ça va, ça va. Comment les gens vous entendez, Peter? Mal. Est-ce que vous l'entendez bien? Xen sur l'interface. Sur Xen, Peter. Ah oui, c'est que là, maintenant, on peut vraiment faire. Là, tout le monde voit. Attends, merde. Attends, c'est que moi qu'il faut que je fasse. Si on se synchronise, on peut tous retrouver. Ouais, c'est comme ça. Là, on peut vraiment cibler les gens cette fois-ci. Ouais, tu peux vraiment indiquer les gens du doigt. Voilà, il est là, Xen. C'est beau, hein, mon petit joue. Attends. Oh, là. Moi, je peux même le regarder comme ça. Hey, Xen, ça va? Ouais. Ouais, franchement, mec, t'abuses. Je suis désolé de te le dire. Ah, mais parle un peu plus fort aussi. T'en dis quoi? Oh, toi, parle pas trop, hein. Bon, Banaf nous dit que c'est sinon, bon pour le jeu. Je monte, hein. Ah, tu vois, c'est quand même plus sympa d'avoir un layout où on regarde tous la même chose, tu vois. Et on est tous placés pareil. Voilà. Tu vois, tu peux littéralement, Catherine, balancer un truc sur la tête de Peter, si tu veux. Ah je relis les notes. Il m'a semblé que Guimard avait des blessures sur lui. Oui. Exactement. Ouais. Des blessures du type au poignet, comme si. Du sang qui s'était coulé. Il avait perdu du sang. Ça se tient, cette théorie. Hein. Il me semble l'avoir évoqué pour rigoler il y a quelques temps de ça, mais c'est vrai que. Enfin, ça paraît quand même bien compliqué. Hein. Faut espérer que. Je vais prendre un peu d'ail au cas où. L'avantage, c'est que si c'est vraiment ça, on a tout dans le bouquin pour savoir comment le combattre. Hein. C'est qu'une légende, ce n'est pas possible que cela existe. Et si cela doit exister, je pense que on parlerait plutôt d'un homme qui serait un peu plus cannibale que cela. Mm. Mais bon, je me mets dans cette idée qu'il y a des aspects qui montreraient que ce serait un vampire. À plusieurs moments. Le fait que... Il serait séché comme un pain qu'on m'avait laissé dehors pendant des siècles. Bref, pas mal de choses qui parlent latin, c'est déjà étrange. C'est troublant. Des détails troublants. C'est ça. Et surtout que dans l'item, quand l'extrait du journal a été donné par Oxide, je suis en train de le relire. Ils l'ont interrogé et apparemment, d'après le docteur, Guimard se serait fait attaquer par un mort. En tout cas, c'est ce qu'il aurait dit. C'est quand même compliqué d'adhérer à la thèse de l'existence de Dracula. C'est vrai que, voilà, c'est quand même... vous êtes, entre guillemets, un peu cartésien. Hein, vous n'êtes pas dans l'occultisme. Même Catherine... Elle fait des cartes, mais après, c'est pas... Après, on a vécu des choses. Oui, vous avez vécu des choses. La différence entre une autre dimension avec des morts-vivants étranges et Dracula existe, tu vois. Il y a une différence. C'est ça. Différence. Du coup, vous avez essayé d'avoir des informations. Vous en avez une maintenant. Est-ce que elle est possible ou pas? Est-ce que c'est quelque chose d'imaginable ou pas? Toi, Peter, tu es un peu troublé parce que certaines choses laissent à penser que, peut-être. Hein, même si pour l'instant, t'y crois pas trop non plus, mais bon, ça te trouble un petit peu. Non, mais quand elle en a parlé, ça m'a fait un tic. Ouais, voilà. C'est un truc collé, quoi. Et du coup, maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous vaquez à des occupations standards et puis après on va direct jusqu'à minuit, où vous avez vraiment autre chose à faire Je vais aller acheter un peu d'ail. Et le croire. Je vais acheter un nouveau costume. Avec le conseil de Catherine. De la Zine de Charenton. Pardon ? C'était la question. Après, j'avoue que moi, j'ai autant envie d'y aller que j'ai l'impression qu'on va patauger. Enfin, on a vu ce qu'il fallait. Et je sais pas si on va être plus. Surtout comment rentrer, tu vois, parce que comme tout est sécurisé, on a eu d'abord l'aide de trucs là. De l'ami de Guimard, Mandrin, je crois. Mandrin, c'est ça, Mandrin, tout à fait. Mandrin, ah oui. Mandrin, effectivement, ouais. Je l'ai tout en bas. On a rencontré Mandrin, il nous a dit voilà, moi je vous ouvre ça, et après il est parti là, il travaille plus là-bas, donc il faudrait qu'on retrouve quelqu'un. C'est vrai. Qui puisse nous laisser passer, tu vois, c'est ça que j'ai un peu peur si on retourne là-bas, c'est que. On a réussi à passer une fois, est-ce qu'on arrivera à passer deux fois quoi. Non. Mais c'est pas très utile, je pense. Ah. Oh hey. Est-ce qu'il y a de la brume chez Peter? Oh putain. Sortez. Le jeu de rôle prend vie. Peter se fait attaquer durant la nuit. Très sympa la personne qui se tient debout derrière toi. Leur vision est basée sur le mouvement. C'est n'oublie pas, Peter. Donc, finalement, je pense que visiter Charenton de nouveau serait pas forcément utile. Autant se préparer, prendre ce qu'il faut comme précaution et aller dans notre express. Et comme ça, on sera bon. Et moi, j'ai envie de parler du coup à ce fameux Edgar Wellington. Wellington à Lausanne. Alors, on va le faire parler, hein, ça. Je vais oser poser la question parce que je l'ai dans mes notes, mais je voulais marquer c'était qui. C'est qui déjà Edgar Wellington? C'est celui qui avait déposé la lettre au Lorrain pour leur dire qu'il serait intéressé. Ah ouais, ouais, d'accord. Oui. Et du coup, il a laissé sa carte avec son adresse. Et on a sa carte et son adresse. Et oui, oui, et l'adresse qui se trouve effectivement. Moi, pour moi, c'était un concurrent, mais du coup, peut-être il en sait beaucoup. Mais moi aussi, c'est pour ça au tout début, j'y avais pas pensé parce que je m'étais dit, voilà, c'est un concurrent. Mais c'est vrai que finalement, s'il peut partager des informations, il peut être utile. Et puis Anna l'a dit. Elle a ouvert les cartes pour Nelson. Il va rencontrer quelqu'un qui va donner des précieux conseils pour la suite. Je pense que. Et c'est surtout que dans la lettre, il est dit, il le dit, qu'il détient un parchemin qui parle du simulacre de CDFK. Ah, le parchemin de CDFK. Pour moi, c'est un concurrent. Tu vois, je voyais vraiment en mode concurrent. Enfin, voilà. Genre, on a eu une pensée un peu trop Startup Nation, un peu trop tôt. Avec concurrent. Excusez-nous. Oh bah, pardon. C'est pas grave. Pardon, vous avez eu l'idée, vous avez eu le jet qu'il faut. Maintenant, vous savez. Oui, bah du coup, voilà, on se prépare et on va aller. On fait les démarches qu'il faut pour mettre le bras dans le double fond et l'emmener l'Orient Express, tout ça. Bah, vous faites tout ce qu'il faut. Vous vaquez à vos occupations. La journée se passe plutôt bien. Vous prenez les derniers trucs dont vous avez besoin. Peter, tu vas chez un maraîcher et tu trouves effectivement plusieurs gousses d'ail que tu embarques avec toi, sachant que maintenant tu dégageras une certaine odeur de d'ail quand tu passeras à côté des gens. En France, ça va, mais dès qu'on passera, je pense que j'arrêterai. Et d'ailleurs, tu les ranges où, ces gousses d'ail? Alors, je vais pas te mentir, j'en mets un dans ma poche. Et j'en prends quelques-uns dans ma valise. Et ça sent du coup un peu l'ail. Alors, la poche, c'est la poche. Quelle poche? Gauche. D'accord. Poche gauche. Ok. La poche droite, je laisse. J'ai pas de pistolet, donc elle est vide. D'accord. Donc la journée se passe et effectivement vient le moment de vous diriger vers le train, hein, vers l'Orient Express, il est minuit. Vous arrivez devant ce train magnifique, vous le voyez pour la première fois affrété, puisque quand vous étiez venu en fait de Calais, eh bien vous n'aviez que les deux wagons qui était rattaché à un train en lambda, on va dire. Et là, pour la première fois, vous voyez l'Orient Express dans son entièreté, dans sa toute beauté. Vous voyez que c'est un train magnifique, d'un bleu parfait, avec des ornements presque en or pour écrire les lettres d'or pour écrire l'Orient Express. Donc une locomotive magnifique, suivie de plusieurs wagons. Donc vous reconnaissez les deux wagons qui étaient dans lesquels vous étiez venu la première fois, et d'autres wagons qui sont là pour ranger diverses choses, les wagons de restauration. Un autre wagon qui est là, le wagon pour le bar, enfin un peu un salon, vous voyez ce que je veux dire. Et quand vous arrivez du coup sur le quai, vous entendez en fait une foule excitée. Vous voyez une foule qui est massée devant l'Orient Express, qui vous barre presque le passage, et des gens crient elle est là, elle est là, vous êtes magnifique, Madame Cavolaro, magnifique, Madame Cavolaro, et donc une photo. Et vous voyez plein de gens qui crient, qui scandent le nom de Cavolaro. Et vous allez me faire un jet de crédit. Ça, pas de soucis. Merde. C'est fou qu'il n'y a pas de case à cocher à crédit. Ah non. Oh. Oh, j'ai réussi à louper. Ouais. On a tous loupé. Non, il n'y a que Catherine qui a réussi. Il est critique le mien en plus, hein. Non. Catherine. Je connais tout le monde. Et quelque part, je pense que c'est plutôt roleplay, puisque Cavolaro, Caterina Cavolaro de son prénom, est une cantatrice italienne de renommée internationale, mais disons plus européenne. Forcément, voilà, pour connaître ce genre de personnes. Alors, je vais vous l'écrire si vous voulez, le Caterina Cavolaro. Bon, je l'écris phonétiquement, je pense. Ouais, je l'écris phonétiquement avec des K partout. Mais... Toi aussi. Ouais. Alors, Cavo. Laro. Tu le mets sur quoi? Sur le Twitch, comme ça, les gens ils voient aussi. Ah, j'avais fermé le, ah, le merde. Chat Twitch. Attends, je peux te mettre non, dans les deux. Non, mais c'est si bon, regarde. Non, mais je vais me reconnecter, c'est juste que. Pour économiser un peu de connexion. Non, mais t'inquiète, garde ta connexion, je vais le mettre dans. Je vais écrire ta connexion dans le bas. Ok. Je préfère que ta connexion soit bonne plutôt que. Voilà. Caterina Cavolaro. Donc, effectivement, pour toi, Catherine, en plus, vous avez la particularité d'avoir le même prénom. Donc, tu la connais. Tu l'as d'ailleurs peut-être pas rencontrée personnellement, mais tu as déjà eu l'occasion de la voir en représentation, et notamment au Palais Garnier, enfin, à l'Opéra Garnier. Et tu te souviens d'ailleurs que effectivement il y avait une représentation de Caterina Cavolaro sur Paris, et que c'était mais que tu n'avais pas pu y aller évidemment puisque tu avais autre chose à faire. Évidemment. Et donc tu vois cette soprano qui est entourée de tous ces gens qui l'idolâtrent. Et qui crie son nom. Voilà. Donc vous avancez tant bien que mal pour rentrer dans votre train, dans votre wagon. Hop. Donc tu vois que ça discute. Il y a des journalistes qui sont là en train d'écrire. Oui, alors, qu'avez-vous pensé, Madame Cavolaro, de votre performance à l'opéra hier? Et tu vois, elle dit, ah, mais c'est fabuloso, c'était vraiment une performance vraiment extraordinaire, vous voyez, j'ai vraiment eu des bonnes vibrations, des choses qui m'ont fait très plaisir, et j'ai toujours adoré venir à l'opéra parisien, parce que c'est une acoustique vraiment extraordinaire, vous comprenez, mais malheureusement, je dois vous laisser, car... je dois aller à la plus malvoroso salle du monde, qui est la Scala, Teatro Scala de Milano. Et c'est là que j'ai rêvé toute ma vie de pouvoir chanter là-bas, et surtout, comment dire, l'aria, la magnifique aria. Voilà. La malaria. Voilà. Et merci pour la performance, merci. bravo, magnifique. Bravissime, aussi. donc voilà, vous voyez, elle continue à donner, à faire sa petite interview. Voilà, pendant ce temps-là, vous prenez vos quartiers du coup dans le train, dans le fameux Orient Express, et vous avez donc. De vos petits compartiments. Alors, comment vous vous répartissez au niveau des compartiments? Sachant que cette fois-ci, vous avez une femme avec vous. Ah oui, c'est vrai. Non, je vais pas avec. Moi, je vais pas avec. Je vais pas avec. Tu vas avec ton papa? Bah non, je vais pas avec Peter, moi. Fou, attendez. On s'aime pas, puis pas dormir ensemble. Ouais, bah, c'est vrai. Bah, viens avec moi dans ma cabine. J'allais Catherine, moi. Justement, je pense que comme je n'ai pas d'armes, je préfère quand même. Non. Mais dormir avec Nesle. Voilà, il y a. Il est armé. Un lag. C'est soirée disco. C'est soirée disco. C'est le lag. On va sortir la boule à facettes. Ah, c'était génial. Non, non, mais c'est bon, avec c'est revenu. Avec DJ Pierrot. Ah, c'était génial. Non, mais allez dormir avec lui. Bon, écoutez, sinon le MJ va trancher. De toute façon, vous voyez que Catherine, elle, s'en va dans une cabine seule, évidemment, puisque la bienséance veut que si elle n'est pas accompagnée de son mari, et puis vu que son mari n'est pas là, hein, non, voilà. Donc, bien sûr, elle ne vous fera pas rentrer dans sa cabine, évidemment. Donc, vous voyez qu'elle elle va à sa cabine et Peter, eh bien, tu décides, étant le plus jeune, de te rapprocher de l'homme d'expérience qu'est Nelson et vous prenez donc une cabine tous les deux. Voilà. Par contre, toi, Emilio, eh bien. Tu as une cabine que tu vas partager avec quelqu'un d'autre. On t'a attribué du coup une autre personne. C'est un jeune homme également. Ça s'appelle Katrina Cavala. Je pense que non. Non. J'essaye. Moi je peux tomber avec. Tu pourrais, mais ça n'arrivera pas malheureusement. Du coup, évidemment, Emilio, tu vas tomber avec un homme de 25 ans, voilà, que je vais écrire exactement maintenant sur mon calepin pour pas l'oublier, parce que sinon je vais l'oublier, qui s'appelle Tonio, bizarrement. Ah, c'est italien. Campi. C-A-M-P-I, Campi. Tonio Campi. Et il habite. C'est un jeune de la bourgeoisie de Milan. Qui rentre chez lui après avoir eu des affaires à régler. Voilà. Donc vous voyez que tu rentres t'installer, tu vois que il est déjà là, qu'il a déballé ses affaires, défait ses affaires, posé, et il te salue. Bonjour. Ah, bonjour. Ah, questo è in italiano. Beh oui, bien sûr. Ma questo è marvoroso. Enfin, quelle région? On va le faire en français maintenant parce que c'est plus chiant. Attends, j'ai plus le nom de la région exacte. Quoi, tu sais pas d'où t'habites? Mais c'est pas possible, là. Mais oh, qu'est-ce que tu fais, là? C'est pas possible. Alors, moi, je viens de Milan. Je rentre à la maison, j'ai passé une semaine à Paris. C'était très, très sympathique. Et puis maintenant, je rentre. Et le mal du pays, tu sais, ça. Tu connais, je pense. Bah oui. Moi, je travaillais là, à Londres. Mais je suis originaire de Puglia, moi. Oh, Puglia, moi aussi, magnifique région. Moi, je n'ai pas l'occasion d'y aller souvent, mais j'ai de la famille là-bas. Ma tante. Vraiment sur le talon. Ah, je t'ai pas entendu. Oui. Je viens vraiment du talon. Qui veut que je parle avec les mains? Ah, je vois que tu parles beaucoup avec les mains, mais c'est vrai, on entend plus tes mains que ta bouche. C'est pas le problème. Si, mais ça va aller. Mais oui, j'ai la famille là-bas. Ma tante, elle habite là-bas. Ah. Si, si. Enfin, voilà. Je vais te laisser. Je vais aller boire un verre. Si jamais tu veux te joindre à moi, il n'y a pas de problème. Tu es le bienvenu. Parfait. Tu vois qui s'en va. De votre côté, bon bah toi Catherine, tu défais tes affaires, tu vois que c'est une cabine qui n'est que pour une personne, donc tu seras seul dans cette cabine. donc tu dabs, hein, bien sûr, dans ta cabine. En 1923, c'était voilà. Cool. D'ailleurs, maintenant on le saura que c'est Catherine qui a inventé le dab. Bien sûr. En rendant ces lettres de noblesse à Catherine Emerson, la créatrice du dab. Je suis presque sûr qu'un certain Cassim Pollat l'a fait aussi. Peut-être. Mais d'ailleurs, peut-être que Catherine a été inspirée par Cassim Pollat en lisant ses aventures pendant qu'ils étaient sur le ferry. Et donc, tu ranges tes affaires. Et puis, bah, de votre côté, Peter et Nelson, vous rangez un peu vos affaires. Je ne sais pas si vous décidez de évoquer tout ce qui s'est passé depuis. Avec mes vieux os, j'ai choisi la couchette du bas, déjà. Mm-hmm. Je prends la couchette de haut. Puis j'ai dans mes affaires, on a une valise, on va dire, de luxe pour un bras gauche. Et on a fait un moulage pour que ça fasse la statue. Donc, on l'a pas mis dans le wagon spécial ? Ah non, là avec nous ça. Attends, déjà que ça influe apparemment des énergies négatives à des plantes, on va pas le mettre à la portée de tous. J'ai envie de dire, on l'a dans notre cabine et comme avec le fez rouge, on va le surveiller bien tranquillement. Ouais. T'avais beaucoup. Je vois, je regarde moi dans le coin si on peut pas retrouver la même plan qu'on a fait pour fez. Alors que la même plan qu'ils ont réussi à faire, c'est ça? Ouais. Parce que tu, non, fait... c'était pas toi. Non. C'était dans une autre dimension. Eh bien, tu vas me faire un jet de toc. Alors n'oubliez pas, hein, il faut cocher quand vous réussissez. Là, c'est un nouveau scénar. Hein. N'oubliez pas, hein. C'est très important. Tu le fais, Gossel. Oxyd. Mm-hmm, ça y est, c'est fait. J'ai réussi. Oui, non, n'oubliez pas de cocher. C'est coché. Okay. C'est coché. Eh bien, effectivement, tu te rappelles exactement où avait été évoqué du coup l'endroit qu'avait trouvé du coup ce fameux. J'en ai déjà oublié son nom, capitaine Barrington. Barrington, voilà. Et donc, tu le remets au même endroit. C'est cool, ça rentre. Voilà, ça rentre. Par chance, le modèle de 1893 était pas très loin de ce modèle-ci en termes de placement. Tu as pas mal de chance. D'ailleurs, vous voyez que les cabines sont vraiment de toute beauté. Hein. C'est vraiment du bel ouvrage. Vous voyez que d'ailleurs, comme il se fait tard, hein, vous avez des lumières qui sont éclairées. Et vous voyez, ce sont des ampoules et pas des bougies. Hein. Donc c'est vraiment incroyable, dire que dans un train on arrive à mettre des ampoules électriques. Comment ils font cette telle prouesse toutes les boiseries sont vraiment de très très comment dire ça fait avec précision. C'est du bel ouvrage, honnêtement. Même les lits. Que c'est de la, par moments c'est de la soie, les textiles sont impeccables. Hein. Vous auriez presque peur de vous asseoir sur le lit pour pas froisser les draps tellement c'est bien fait, tu vois. Voilà, c'est en gros c'est du bel ouvrage. Vous êtes dans le luxe le plus absolu. Vous vous rendez du coup en direction peut-être de la voiture salon, puisque vous voyez qu'il y a énormément de, de d'animation. Et a priori, vous devinez pourquoi, puisque, eh bien, Katerina est présente encore dans la voiture salon. Et vous voyez qu'elle est entourée de ses amis. Et elle discute, elle échange avec les gens avec un verre à la main. Qu'est-ce que vous faites ? Je vais prendre un verre. Est-ce que tu m'accompagnes, Emilio ? Nelson ? Bah, on est tous dans la voiture salon. Ah, d'accord. J'ai cru qu'on était dans la cabine. Vous y étiez, maintenant vous êtes parti. On attend le départ et puis après, je pense que ça va un peu nous... Oui, d'ailleurs, vous êtes là depuis un petit moment de temps et d'ailleurs, vous entendez le... Et... Voilà. Voilà, c'était le moment... C'est presque aussi bien que l'italienne. T'as vu ça un peu ? Ouais. Moi, j'ai préféré... Comment il s'appelle ? Guimard. Hein. Et après, je dis ça. C'est vrai ? Ouais. Jean-Michel Bruitage, comme dirait... Jean-Michel... Je le dis. C'est du bruitage de qualité. Mais écoute, il se fait tard. Je pense quand même qu'on a fait une journée assez dure. Et bon, j'attends mon réveil en Lausanne. Je pense que c'est dans quelques heures. C'est bien ça. C'est dans combien de temps ? Tu vois quand même que vous êtes dans le salon et que vous voyez qu'elle s'approche de vous avec son verre à la main. Katerina. Tu parles de Katerina. Katerina, ouais. Elle s'approche de vous et la première chose qu'elle fait, c'est elle te monte du doigt, Catherine. Elle fait non, c'est vous, Katerina Lamberstone. Oui, bien sûr. Vous. Oh, Mais c'est fantastique, j'adore ce que vous faites, j'adore, j'achète toutes vos robes, tout ça, bon là ce soir je n'en ai pas, mais j'adore, je suis vraiment très heureuse de vous rencontrer. Ah mais je vous renvoie le compliment, j'ai longtemps entendu parler de vous, je n'ai pu malheureusement me rendre... votre représentation à l'opéra, mais sachez que ce n'était uniquement par contrainte. Eh bien, vous m'envoyez. Ah oui, si j'avais su que vous étiez une amatrice de musique d'opéra, je vous aurais déjà invité depuis longtemps. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez venir avec vos amis à la Scala, Je fais une représentation. C'est mercredi. Mercredi, je suis mercredi soir à la Scala de Milano. Si vous voulez venir, je peux vous offrir les places en premier rang. Oh, mais ce serait avec un énorme plaisir. Mais le plaisir est partagé. Qui sont vos amis Oh, bien sûr, je vous les présente. Je les présente un à un. Avec les plus beaux mots bien choisis, évidemment. Ah, ravi de vous raconter. Un italiano, Emilio. Si, si. Vous êtes de quelle partie de l'Italie je regarde mes notes. Non. Non, je... Alors il a coupé. De Lecce. Lecce. La vie. Ah, c'est une très belle région. J'avoue que... Attends, j'essaie de trouver en même temps. Ah là, c'est ça. Les trains. Vous voyez ? Le bruit de train. Si, je l'entends, ça y est, on roule. Voilà. Une magnifique région. J'ai déjà été 2-3 fois là-bas, mais... Bon, je n'y vais pas très, très souvent. Bon, qu'est-ce que vous allez où? Qu'est-ce que vous faites sur l'Orient Express? Du voyage, On suit effectivement le voyage, on s'arrête dans la plupart des grandes villes où ils s'arrêtent afin de gérer quelques affaires sur place, hein, vous savez ce que c'est. D'accord. Suivre tout le trajet. Vous, j'ai cru comprendre que vous arrêtez à Milan. Si, comme je vous disais, j'ai un opéra à la Scala de Milano. Je suis vraiment honoré car c'est la première fois que je vais chanter là-bas. Donc après, vous savez que la Scala est l'opéra le plus prestigieux du monde et que ce n'est pas donné à tout le monde de chanter là-bas, et que c'est la consécration en fait d'une carrière que de chanter à la Scala. Et en plus, en tant que soprano, et elle va donc elle vous dit je vais chanter l'Aïda, donc c'est genre the opéra l'Aïda, et donc chanter l'Aïda à la Scala, c'est tu peux pas faire plus haut, quoi. Genre, t'es au top niveau. Genre. Donc, c'était un rêve. Le rêve de ma vie. Et là, je dois dire que je suis très ému de faire ça. Alors, voilà. Mais vous verrez. Si vous venez, je pourrais peut-être vous faire après, vous faire découvrir Milano. C'est une très belle ville. La beauté de cette ville, la générosité des gens, franchement. Moi, je n'ai jamais vu un seul opéra, hein. Je suis très curieux. Vous verrez, je pense que vous allez, sans me vanter évidemment, parce que c'est moi qui vais chanter, mais je pense que vous allez vivre un grand moment. Et j'espère que vous continuerez après de le faire. Mais écoutez, restez. Restez encore un petit peu. Je pense que je vais vous faire une petite représentation. Là, si vous n'avez pas trop fatigué, je peux vous faire... La cantate. Voilà, une petite canzone, si vous voulez. Oh, mais allez donc. Donc tu vois qu'elle part se changer, que dans le salon où vous êtes, du coup, on fait apprêter une espèce de coin un petit peu fait pour ça en fait, en gros, tu vois, et elle revient habillée d'une robe argentée, les yeux noircis par le mascara, et vous voyez qu'elle a eu une anque en médaillon autour du cou. Je voudrais vous chanter l'aria. C'est ce que je vais chanter à la Scala mercredi, parce qu'ils disent comme ça les Italiens, mercredi. Et là, tu vois que les gens qui sont autour de vous, ils sont waouh, bravo, l'aria, là là. Donc tu vois qu'elle s'installe. Tu vois qu'elle est très concentrée parce que c'est quelque chose qui est vraiment, comment dire, qui demande beaucoup de concentration. Voilà, comme ça. Bien sûr. Alors, il faudrait que j'arrive à tomber dessus. Scala. Voilà, et là, voilà, tu vois qu'elle se met en position. Elle se met en posture du centre et elle va commencer à faire un test de G de comédie. Vous entendez au moins? Ouais, j'entends. Ouais. Il faut monter un peu le son. Enfin, de mon côté, j'ai dû monter un peu. Ouais, ça va. Bien sûr, il y a plein d'instruments, évidemment. Sublime. Je pleure, mais c'est pas à cause de l'ail, c'est à cause vraiment de l'émotion. Et tu vois qu'elle est, elle est vraiment emplie de... C'est vrai, il sort de sa poche de l'ail, il s'essuie des larmes avec. C'est pas mon choix. Tu vois vraiment qu'elle est emplie d'une émotion pure. Ça transpire l'émotion, en fait. Elle est... Je suis entièrement dedans, hein, J'ai les yeux qui pétillent aussi. Peut-être à cause de là, il y a un peu quand même de Peter, mais ça va. Vous voyez que autour de vous, des gens pleurent littéralement. Ils sont effondrés par la beauté et la voix pure de cette soprano, Caterina Cavoraro. Pour aller risser après. Voilà, tu vois. Toi, Catherine, voilà. Vous voyez Catherine qui est transcendée par. Pendant ce temps-là, Emilio envoie des textos. Bah c'est bien, on a l'invention du dab, l'invention du texto. Franchement, en 1923, c'était... Non, mais je vous expliquerai pourquoi, en fait. Ah ouais, t'inquiète. Non, t'as juste... raison, franchement, faut prendre un snap de... Non, mais c'est un truc important, c'est bon. Non, pas t'inquiète, t'inquiète. En tout cas, Emilio est en transe aussi. En plus, c'est de l'italien, donc il comprend tout. Vous n'avez pas forcément la traduction. Moi, je remarque juste qu'elle chante. Et voilà, j'ai pas d'habitude. Et les vitres, hein, ils tremblent. Voilà, d'ailleurs, vous voyez que les vitres. Les ampoules. C'est sympa de mettre l'électricité, mais ça casse facilement quand il y a une chanteuse. Voilà, donc. La musique se termine parce que ça dure 6 minutes. Attends, je vais baisser un peu le son du train cette fois-ci. Donc là, la chanson se termine. Les gens sont en folie furieuse. Ça, c'est les Viva, Viva, Viva Catalina. Ah, Marvoroso, magnifico. Oh là là là. Les femmes pleurent, les hommes. Limite, s'ils avaient des roses, ils lui jetteraient des roses. Tu vois, c'est vraiment. Je jette de l'ail. C'est une tradition américaine, ça, encore. Et c'est la liesse, carrément, dans le wagon. Alors, dites-vous, vous êtes dans un wagon, quoi. Même si c'est l'Orient Express, c'est pas immense non plus, même si c'est quand même assez grand par rapport à un train classique. C'est vraiment... Voilà, vous savez que vous venez de vivre quelque chose d'inoubliable, oui. et de rare, puisque vous avez eu peut-être la plus connue soprano, la diva la plus connue du monde, peut-être, qui vous a fait un bout de l'aria juste pour vous, quoi. Vous êtes genre en comité restreint, peut-être une vingtaine de personnes, et vous l'avez vue, elle a chanté pour vous, quoi. Donc c'est un moment quand même inoubliable. Voilà, vous pourrez pas l'oublier de votre vie. Hein. Vous voyez que bon, elle passe voir les gens, les gens la congratulent, et puis elle finit par vous. Et j'espère que ça a été un grand moment que vous avez apprécié. Magnifique. Aïe, vous savez, Vous savez, Catarina, vous nous offrez une place à l'opéra pour ce mercredi. Et la prochaine fois que vous repassez sur Paris, je vous offre une pièce de ma plus haute des collections. Ah, c'est vraiment très généreux de votre part. Vraiment, je suis très touché. Mais ça m'a fait très plaisir de vous faire vous offrir ce moment. C'est toujours quelque chose de très fort pour moi. Mais voilà. Ne pleurez pas, Catherine. Ne pleurez pas. Vous aurez tout le temps de pleurer à l'opéra. Parce que là, avec le son, enfin l'acoustique, ça sera encore plus puissant. Voilà. En tout cas, laissez-moi vous dire que quand je rentre à Milano, je vais vous réserver les chambres d'hôtel. Le meilleur hôtel de Milano. Ok? Mais vous êtes vraiment d'une gentillesse. Mais non, mais vous me faites très plaisir et j'adore faire ça. Donc, c'est un plaisir pour moi de faire ça. Donc, je vous réserve ça à la Galleria Vittorio Emanuele. C'est où la meilleure place, le meilleur hôtel de Milano. Ok? Galleria Vittorio Emanuele. Ça va? Vous avez écrit? Ça va. Ça va. Il faut que tous on s'arrête à Lausanne. Ouais, donc, on vous accompagne. Oui. On vous entendra peut-être juste à l'opéra. Mais il se fait un peu tard. D'accord. On reprendra la route. Donc, je pense qu'on se retrouvera effectivement à l'opéra. Oui, on se retrouvera à l'opéra. Nous tenons au courant dès que nous revenons sur. Comme vous l'avez dit, on s'arrête un peu à chaque grande ville et on reprend le trajet d'après. D'accord. Alors, le mercredi voilà. Soir, je vous attends. Mercredi. D'accord. Ah, mais bien sûr. Bien sûr. Je laisserai les places à l'hôtel pour vous. Et comme vous pouvez venir et je serai ravi après de vous voir et peut-être jeudi ou... Peut-être se promener dans Milano et vous faire visiter cette magnifique ville. Eh bien, avec plaisir. Oui, ça serait même avec un des plus grands plaisirs. Ok. Eh bien, sur ce, je vais vous laisser à vous reposer. Moi aussi, il faut que j'entretienne ma voix et que je dorme. Hein. C'est important. Alors, je vous souhaite une bonne nuit. Buonanotte. Buonanotte, si. Désolé, mon italien est pas très bon. Si, désolé. Allez, good night à vous aussi. On se retrouve. Ça marche. Alors, écoutez, vous allez vous coucher. Vous avez vu qu'il est quasiment 2h30 du matin. Donc, voilà, il se fait tard. Hein. J'ai fait allemand en deuxième langue, c'est ça. Et donc vient le moment où vous allez arriver demain matin à Lausanne, puisque c'est la suite. Maintenant, il faut que j'arrive à Lausanne sur mon scénario aussi. Est-ce qu'on a une interface spéciale Lausanne ou on va rester sur Paris 1920? Attends, c'est prévu que ça change, bien sûr. C'est vrai? Mais il est incroyable ce Ghosted. Applaudissons. Si. D'ailleurs, pour les gens qui font du stream, hein, je sais qu'il y en a quelques-uns. Je ne sais pas si Cécile est toujours là, mais il y a Magister voilà, qui est là. Je vous conseille énormément, pendant que je cherche mon scénario, comme ça meuble un peu. Le site Gridfam qui m'a été conseillé par Akiel, et j'avoue que c'est plutôt pas mal, honnêtement. Non, c'est vrai que c'est sympa, puis en plus tu peux mettre une ambiance, puisqu'on voit tous en fait là ce que vous voyez, nous on le voit aussi, donc voilà, tout le monde voit exactement ce que vous voyez, donc c'est vraiment intéressant. C'est assez facile parce que du coup il y a un lien, alors je vais te l'écrire, Magister. Un commentaire YouTube, c'est trop bien. Gridfam, et du coup c'est un, c'est et en fait il a été fait quasiment à penser pour OBS, puisque tu peux une fois que tu as fait ton setup sur le Gridfam, tu peux avoir un lien que tu peux partager pour mettre directement dans OBS, en ajoutant un navigateur, donc une adresse, pour ceux qui connaissent OBS, ils vont savoir de quoi je parle. Et en fait, ça va directement choper juste le layout, sans avoir le reste, en fait. Donc t'es nickel, quoi. Et du coup, il va se passer ce qui va se passer maintenant, c'est que vous allez arriver à Lausanne, et par la magie de Grid Fam, et c'est là que je me plante, c'est genre ça ne fonctionne pas. Attends, ça c'est l'image du dernier acte. Et voilà, vous arrivez à Lausanne. C'est pas beau ça ? Bravo ! Bravo ! Magie du direct ! Ça ? Bravo ! C'est devenu un professionnel. Il y a notre trait qui est toujours écrit Paris 1923, mais j'accepte. Oh merde ! Pourquoi ? Pourquoi c'est marqué Paris 1923 ? Ça en bas à gauche. Mais ouais, mais ça devrait pas ! Bah alors, ouais. Là, je... Ah, c'est pas normal. Parce que t'as... Ah, je demande parce un remboursement. T'as quelques textes qui est raté. Non ! C'est pas possible. Mais attends, c'est pas possible. Et là, c'est le moment possible. Fail. Ah, c'est pas très grave, c'est pas très grave. Bon, faudra que je le change. Oh, c'est pas un gros fail. Il y a déjà le fond qui a changé, qui a une teinte différente. Maintenant, on est plus sur du sépia. Donc, en vrai, il y a déjà ça. C'est déjà ouais, bien, mais c'est pas normal que ce soit Paris 1923. Mais... Si, je sais pourquoi d'ailleurs. Mais bon, voilà, c'est moi qui ai merdé. Bon, bah désolé. Vous avez un demi extra. Mais ça ne vient pas de Grid Fam. Ça vient du gars qui est devant vous, qui a fait un gros fail. Surtout, ne fais pas d'ombre à ta promo. Hein. C'est très important, la sponsor. Oui, oui. Non, mais voilà. Moi aussi, je me lance au pire, si tu veux. Quoi qu'il en soit, la nuit se passe. Et... une personne... qui n'est autre que Xen... Enfin, que Peter, pour le coup. Eh bien, les autres, je vais vous demander d'enlever les casques. Voilà, je n'ai pas. C'est bon ? Je t'envoie un message. Hop, je retire dans quelques secondes. Voilà, je te laisse tranquille, des bisous. D'accord. Ah oui, ça a même merdé beaucoup là. Oui, parce que non, je enfin bref, on va continuer. Peter, tu es en train de dormir et pendant ton sommeil, en fait, tu sens que l'air se devient de plus en plus froid et même de plus en plus glacé. Tu sens que, en fait, tu es en train de dormir, mais que tu n'arrives pas à sortir du sommeil. Tu es à moitié conscient, en fait, que tu dors, ce qui est quand même assez surprenant. Et que si tu essayes de bouger, eh bien, tu n'y arrives absolument pas. Même si tu as envie de le faire, ton corps ne refuse de t'obéir. Au fur et à mesure que le froid commence à s'installer autour de toi, tu commences à sentir une odeur assez particulière, une odeur qui te dit quelque chose, puisque c'est l'odeur de la terre humide. Une odeur que tu as déjà ressentie... quand tu étais dans ce cellier à Poissy. C'était assez tenace et là justement plus ça va et plus cette odeur t'arrive dans les narines. Après quelques instants, vient s'ajouter un souffle glacé dans ta nuque. Un souffle qui quelques secondes plus tard, tu sens sur ta joue comme des griffes qui viennent non pas t'entailler, mais juste, tu sais, se poser et glisser sur ta joue sans pour autant te blesser. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? La voix, je la reconnais ? Pas du tout. Et c'est une voix d'ailleurs qui te parle en italien. Italien que tu comprends. J'ai rien à vous dire. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui ? Rien. Peter, ne me mentez pas, je n'aime pas ça. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui ? Je vous répondrai si vous me dites qui vous êtes. Fais-moi un jet de pouvoir. On va voir qui est le plus fort. Yes. 66. Peter, je ne vous répondrai pas. Mais je sens que vous êtes quelqu'un qui a un certain pouvoir. Je vous l'accorde. Sachez que nous n'en resterons pas là. Et là, tu sens que le souffle se retire petit à petit. Que l'odeur commence à se dissiper et le froid qui t'entourait s'estompe. Quelques instants plus tard, tu tombes dans un sommeil profond. Voilà. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que c'est assez bizarre parce que ce que je vois du layout n'est pas ce qu'il y a l'affichage. Ce que je vois du layout chez nous n'est pas ce qu'il y a forcément dans Twitch. Donc ça, je trouve ça bizarre. Moi, je vois exactement la même chose, je sais pas. Mais je comprends ce que... Bref. Ça peut... Merde. C'est plutôt bizarre parce que, à la base, moi, vous voyez tous que vous avez vos noms qui sont présents normalement. Grenadine, Oxide, Gassar, Xen. Mais ils sont pas présents. C'est normal, c'est parce qu'en fait, la vidéo est par-dessus le layout. Ah ouais oui. Ok. C'est ce que je t'ai envoyé en privé. C'est mieux, là. Ouais. Ok. Ah, il faut... Putain, moi, je pensais qu'ils allaient, Je voulais pas le dire, moi. J'attendais la fin. Surprise. Je t'ai envoyé en privé parce que je m'étais dit tiens. Ouais, mais tu vois pour le coup, tu vois, j'ai pas fait attention en fait parce que j'ai pas compris ça. Ah, ça l'a perturbé. Mais voilà, c'est ça les amis. Hein, quand on a quelque chose de nouveau, bah il faut s'y habituer. Enfin, faut se faire au machin. Et je me suis pas fait. Donc maintenant, voilà, tout va bien, sauf le Paris 1923, puisque nous sommes à Lausanne. Enfin, ils vont arriver à Lausanne effectivement. Donc ça, c'est un peu loupé. Pour le coup, mais je vais arranger ça sous peu. Donc le jour se lève, vous réveillez tranquillement. Vous avez plutôt bien dormi et je crois même que l'aria que vous a accordé et offert Katrina vous a apaisé. Elle vous a fait énormément de bien même. À tel point que dans un élan de bonté maladive, le MJ va vous accorder un D4 de points de san pour voir vous vous remettez de. Vrai. Si. C'est même pas vrai. Je crois que je peux pas dépasser mon maximum normalement. Non. Enfin, le jet de san, normalement, le maximum c'est 99. Hein. Non, mais je peux pas avoir. Ouais! Oui, comme la main au-dessus de ta compétence de base, enfin de ton machin de base. De pouvoir. Ok. Ouais. Eh bien, ceux qui ont perdu beaucoup, vous pouvez. Il y a moyen de savoir combien on avait au. Normalement, c'est ton pouvoir. Ah, oh, mais très très bien. Ah oui, bah je peux pas gagner beaucoup. Bon. Ah oui, on peut pas dépasser son pouvoir, c'est ça? Ouais. Ah, bon, et du coup, c'est quoi là? On fait un jet ou c'est juste gagner? Ah, c'est un des 4 et ça te donne le chiffre qui bon. Est indiqué. Bah, quoi qu'il arrive, du coup, je connais les résultats, je peux augmenter que de 1. Bon, bah voilà. Et bah, ça tombe bien, t'as fait 1. Bah voilà. Comme ça, pas de points perdus, vraiment. Voilà, je suis au max de ma santé mentale, franchement. Et il semblerait que je n'ai même pas vécu le changement de dimension. C'était intemporel. Il semblerait surtout que le chant de Katrina vous ait fait un bien fou et que vous soyez remis sur pattes. Elle va nous exorciser pas mal de choses. Donc vous voyez que le train s'arrête et que... Alors attendez, là par contre il faut que je trouve quelque chose d'intéressant parce que... J'ai rien pour Lausanne en musique. De musique suisse. Tu sors les grands corps de montagnards, de bergers. Attends, tiens. Qu'est-ce qu'on va vous mettre? Ça? Voilà, ça ira très bien. Ah si, on peut avoir plus de son pouvoir en santé mentale. Mais c'est ça, ça me semble, c'est 99. Ouais, mais c'est seulement le mythe. Quand t'as des points en mythe de Toulouse, bah tu baisses immédiatement le maximum de santé mentale en fait. Voilà. Mais là, vous pouvez dépasser votre santé, ce que vous aviez au départ. Ok. Il me semblait bien parce que dans mon souvenir. Après, magistère, tu peux confirmer, mais il me semble que... Je viens de lire dans les règles. Voilà, donc oui, c'est bien ce qu'il semblait. Avec qu'est-ce que les règles? Oui, c'est vrai. Elles sont là pour être brisées. Pour être détruites. Donc non, effectivement, non. Vous arrivez... Non, c'est très bon, le train s'arrête à Lausanne. Vous entendez une personne dire « Lausanne !» 20 minutes d'arrêt pour tout le monde. Ceux qui descendent, n'oubliez pas vos bagages. Magnifique accent suisse, je le reconnais. Tu l'as préparé? Pas du tout, je viens de le penser juste maintenant. Bravo. Il est 6h45. Octante 7. Voilà. Et vous savez que vous n'avez pas trop de temps pour... Enfin, il n'y a que 20 minutes, donc il ne faut pas traîner. Vous voyez que Katrina n'est pas debout. Je pense qu'elle va continuer à se reposer. Donc vous n'aurez pas l'occasion de lui dire au revoir. Dommage. Et vous voyez, donc quand vous sortez sur le quai, c'est une journée enneigée qui vous accueille. Le plafond est bas, la neige tombe, il fait assez frais. Vous voyez que c'est une gare assez... c'est pas non plus une gare immense mais par rapport à celle de Paris, mais ça reste quand même quelque chose de raisonnable. Plein de gens qui vont et viennent, vous voyez que des gens qui transportent les valises. Votre caisse d'ailleurs est sortie par des gens du service et ils vous demandent « on vous dépose ça où ?» À l'hôtel le plus proche, le plus... Voilà. Le plus mieux, le plus proche. Ouais, non, c'est... À l'école d'hôtellerie, peut-être qu'ils ont des cours de dressage de draps, je sais pas. Du coup, vous avez une idée de l'hôtel où vous voulez aller ou pas du tout? Grâce à votre guide du voyageur. Bah, c'est bien, car grâce au guide du voyageur, bien que je n'ai pas lu... Donc attends, c'était toi. C'est pas possible. Qui attend ton guide des voyageurs? Non mais je veux. Enfin si, je l'ai. Si tu veux, je vais le sortir. Mais ce que je veux dire, c'est que je m'attendais pas à ce qu'on arrive aujourd'hui en Lausanne. Voilà. Veuillez m'excuser. Tu t'attendais à aller à Milan, Cécile? On n'a pas préparé la fondue. J'ai oublié qu'on allait prendre l'Orient Express là à minuit en fait. Okay. Pour moi, on avait donc l'hôtel Cécile. Juste, en attendant que je sors le guide du voyageur, je tiens à donner à mes compagnons quelques indications de ce qui est arrivé hier soir. J'ai eu la même visite que Emilio et Nelson dans mon sommeil. Et Catherine, qui n'est plus présente, qui a cherché son guide de voyageur. Oui, je suis parti chercher mon guide, mais ça ne présage rien de bon. Et bah, c'est peut-être toi la suivante, en fait. Ouais. Ah, regarde. Essaye d'entendre la voix. On va au beau rivage, si vous voulez. Moi, j'ai dit l'hôtel Cécile parce que c'est. On est des personnes simples. Oui. Au beau rivage. Lord Barrington, une personne simple, pas vraiment, mais. Ça va être le Lord quand même. Barrington, vous dites. C'est Bessborough. Quand les personnages s'entrecroisent. Non, mais on peut aller aussi, ça. Ça me convient très bien. Tant qu'on peut se poser. Le metagame. Alors, je peux y aller. Fatigue. Beau rivage. Cécile, ça... Tiens, on va demander au chat de voter. Hein. Alors, faut leur donner les indications de qu'est-ce que beau rivage, qu'est-ce que beau Cécile. Enfin, que alors, Cécile. Beau rivage palace, donc c'est le plus luxueux, hein, qui offre une grande terrasse avec un parc important. On a l'hôtel Bossy, qui est également très bien. L'hôtel Cécile, un hôtel l'hôtel Cécile et l'hôtel Beau Séjour sont plus petits et moins chers, mais méritent d'être. Voilà. Et attention, Cécile, on ne met pas Cécile dedans parce que tu t'appelles Cécile. Hein. Tout à fait. Oh, ben venez chez moi! À l'hôtel Cécile! Ah, mais ça, juste comme ça! Vas-y! Ah. J'ai. Alors, Magister nous dit à l'hôtel Beau Séjour. Lausanne, voilà. Du coup, on allait sur Cécile, c'est ça? Non, alors là, en fait, ils proposent aux viewers de choisir où vous allez vous rendre. Ah oui, entre le beau rivage et Cécile. Voilà, c'est ça. J'ai juste l'impression qu'on est au restaurant à choisir son menu à carte. Mais, n'empêche que beau rivage est quand même le plus riche. Est-ce que c'est pas le moment de... Beau séjour. Beau séjour ou beau rivage? Ouais, mais... Beau rivage. Beau rivage est à l'extérieur de Lausanne, hein, je te le dis. De quoi? Le beau rivage est à l'extérieur, le palace. Oui, il n'est pas si loin que ça sur la carte. On a dit que cette conversation, on l'a eu à l'intérieur de l'Air Express, tu vois, genre c'est... Alors que tu regardes l'hôtel Cécile, elle est juste à côté de la gare, où tu prends l'hôtel tout simplement... comment il s'appelle? Non, en vrai, je suis d'accord pour Cécile. Pour l'instant... En plus, Cécile, c'est plutôt luxueux, c'est plutôt pas mal... Alors, ah bon, là, pour l'instant, nous avons Beau Séjour pour Magister, Beau Séjour pour Zouabalaf. Alors, ah Akinamna... Il est moins cher. Merde. Akinamna est resté sur le plus luxueux. Beau site, il n'est pas à côté, là. Donc là, pour l'instant, nous avons 3 avis et 3 Beau Séjour. Bon. Ouais, bah, Beau Séjour, c'est le moins cher. Eh, franchement, on n'est pas dégueu. Attends, le Beau Séjour, c'est le moins cher ou c'est le plus luxueux? Ouais. Non, alors, attends, parce qu'en fait, t'as le beau rivage qui est le plus luxueux, l'hôtel Beau Site est pas mal, Cécile et Beau Séjour, c'est les moins chers et les moins luxueux. Ah, on va à l'hôtel central, il y a le casino juste à côté. Genre, on va l'hôtel des Pénaux. Ouais, mais c'est trop tard, les gens, ils ont dit Beau Séjour. Allez, Beau Séjour, c'est l'hôtel central. C'est le club là-bas, ça coûtera pas cher. C'est le sixième, hein, pour être exact. Non, mais ouais, go. Comme ça, on vira après. Je vais garder ça sur moi, en fait. Entre la poste et le casino, ça va être pas mal, ça. Eh bien, effectivement, vous étiez arrêté dans un petit le café de la gare, juste à côté, le temps de vous mettre d'accord sur bien l'endroit où vous stopperez. Et après avoir demandé aux gens qui étaient autour de vous, notamment un certain magistère, vous savez aussi qu'un autre, une autre personne, Akinamna, un certain Zouabalaf et un... Ils ont eu une étrange Gali 81, vous ont conseillé, au vu de vos choses, de vos expectations, l'hôtel Beau Séjour. Voilà. D'ailleurs... Ils ont été tous unanimes, donc vous n'avez pas hésité une seconde. Et, oui, totalement. Ils sont tous d'accord pour aller à l'hôtesse bosser jour. Je vais être un peu déçu quand je vais voir quand même la prestance du truc. Hein, ah, c'est la Suisse, c'est un petit pays, il faut se dire. Ah, bah peut-être que le moins bon des hôtels de Suisse est meilleur que la moyenne classe de Paris. Je ne sais pas. J'ose espérer, mais Paris est quand même au standing. C'est quand même. C'est vrai. Donc, alors, Richard, on n'a pas dormi au Trocadéro. Vous faites donc affréter. Je suis devenu un PNJ qui est l'honneur. Voilà, tu sois balaf. Hey, bonjour, bonjour. et du coup, vous faites affréter vos bagages et la malle magique, hein. clin d'œil. En mode double fond qui contient plein de choses dedans. Du coup, dans votre hôtel, Beau Séjour, vous demandez tout de même les meilleures chambres, évidemment, de l'hôtel. Est-ce que vous prenez une chambre chacun? Oui. Ça dépend du coût. Je pense que c'est vraiment pas cher pour vous. Sauf peut-être pour Emilio, qui lui, de toute façon, il n'aurait pas les moyens de se payer. Un peu d'intimité, là. Hein. Si, j'ai les moyens, quand même. Je viens de crédit. Et puis, il y a Professeur Suisse, il nous a donné de l'argent. C'est vrai, vous avez la cagnotte que vous partagez. Juste pour dire, c'est pas les hôtels les plus famous, hein, on va dire, de Lausanne. Donc, bon... Je pense qu'on a de quoi payer une chambre chacun. Oui, La suite nuptiale, plus. Voilà, donc effectivement, vous faites accueillir par l'hôtel. C'est un hôtel, on va dire, qui est tout à fait classique. Il n'y a pas de fioritures. C'est cosy. Ça reste quand même élégant. Puisque c'est quand même un hôtel du centre-ville de Lausanne, donc ça reste quand même élégant. Et les chambres sont tout à fait raisonnables. C'est sûr que c'est pas le Bristol, hein, on en est très très loin. Mais tout ce qui est drap, la literie est plutôt convenable. Quand vous testez un petit peu le lit, ça reste confortable. Voilà, Emilio s'est un petit peu allongé pour tester le matelas. Il continuerait bien sa nuit, mais bon, il sait qu'il a d'autres choses à faire aujourd'hui. Pour toi, Catherine, t'es un petit peu déçue, parce que tu es habituée à un standing un peu plus élevé. Mais soit, hein, tu sais que vous allez rester peut-être une nuit ou deux à Lausanne. Voilà, tu ne devrais pas avoir de... Tu vas pas avoir le temps de te faire un lumbago avec la literie de l'hôtel. Et pour toi, Peter, t'as déjà connu pire. Tu sais, quand vous faites les tournages dans la roulotte d'acteurs, le lit, il est beaucoup moins confortable que ça. Et toi, Nelson, le lit de camp à la guerre... Non je t'entends pas. Ah, mets ton son. T'as pas fait un peu la guerre, toi, Nelson? Je crois que tu dois confondre avec... T'es sûr que Nelson, il a pas fait un peu la guerre? Attends, voir. Il avait fait un petit peu de... J'ai rien écrit, moi, par rapport à ça. Ouais, enfin bon, t'as fait l'armée, de toute façon. Ouais, j'ai fait mon service. Voilà, t'as fait ton service, les leads que t'as fait à l'armée, t'as connu pire. Mais voilà. Peter et Emilio ont sûrement fait leur service aussi. Alors Emilio, vous savez pas. Peter, encore moins, parce qu'il est jeune et... J'étais sportif, moi. J'étais pas dans l'armée. Bah, Emilio, il est mineur encore, c'est pour ça. Non, Emilio, il est plus âgé que Peter, il me semble. Donc, Peter, c'est le plus jeune de la troupe. Jeune. Et après, à savoir, est-ce que Peter, tu as fait ton service militaire? Non, voilà. C'est un artiste. Là. Les artistes, ils font pas le service. Je suis vraiment nul en armes, hein, donc déjà, ça veut tout dire. Par contre, on a l'adresse de ce fameux... Exactement. Vous savez, du coup, vous vous concentrez, vous voulez aller directement là-bas pour pas perdre de temps? On va pas perdre de temps, hein, parce qu'on est en train de prendre après. On va se sustenter un peu avant, et puis on y va, ouais. Bah, on va au château noir, casino. Vous, ouais, vous voyez que donc en allant en direction de l'adresse de ce fameux Wellington, que en vous baladant dans les rues, hein, la neige laissait un peu place au brouillard. Donc c'est une vraie purée de pois. Hein, vous avez vraiment l'impression d'être dans les rues de Londres, hein, un matin à Londres. Ça vous rappelle quelques souvenirs. Vous voyez par contre que l'atmosphère générale, l'ambiance générale est plutôt sinistre, plutôt déprimante même. Les gens sont presque tristes. Vous voyez sur les visages des gens, c'est vraiment la tristesse, quoi. C'est fou, hein. C'est ouf. Tu vois des gens qui sont fatigués, notamment la personne qui vous a porté vos bagages, qui a l'air épuisée. C'est un peu l'ambiance que vous ressentez dans les rues. Une ambiance un peu maussade, un peu déprimante, sinistre. D'ailleurs, Peter... ton bras gauche continue un petit peu à te démanger, mais un peu plus que la dernière fois. T'as l'impression que ça s'est un peu plus étendu. Tu vois toujours ces marques rouges qui s'étalent un peu sur ton avant-bras. C'est désagréable. Ça t'embête. Vous marchez un petit temps. Vous passez, vous demandez aux gens votre route. Et puis, finalement, vous arrivez aux 50 rue de Saint-Étienne, devant le shop, enfin le magasin, l'établissement des Wellington Fils. Et vous voyez que c'est un établissement qui fait de la taxidermie. Oh purée, j'ai cru qu'il y avait de la purée. Voilà, taxidermie, pour j'imagine que tout le monde doit savoir ce que c'est. C'est ceux qui font le taxi. Exactement. Hein, le taxi de la peau. Voilà. Du coup, voilà, vous savez que voilà, c'est là qu'on fait des doudous avec des vrais animaux. Elle est pas mal celle-là. C'est vrai que du coup ça. Tu dis ça à tes filles. Voilà, c'est ça. C'est un vrai, hein. C'est un vrai doudou. Voilà. Et donc vous arrivez devant cet établissement. Vous voyez que c'est dans une rue pavée, dans un quartier plutôt tranquille, dans un coin plutôt calme. Vous voyez du coup sur la devanture du magasin du coup les lettres usées, hein, qui justement annoncent le nom du magasin, Wellington Fils Taxidermy. Vous voyez qu'il n'y a rien d'autre de vraiment visible à travers la vitrine, puisque la vitrine est assez sombre. Vous auriez du mal à voir à l'intérieur en fait. Parce qu'il y a plein de choses qui bloquent la vue. La porte également, même si c'est une vitre, de la même manière, c'est assez comme si quelque chose occultait ce qu'il y avait de l'autre côté. Donc vous voyez que c'est quand même difficile de voir dedans. Vous voyez qu'il y a un petit panneau où il est écrit en plusieurs langues que le magasin est ouvert. Rentrons. Il est écrit en italien. Il n'est pas tout bleu. Oui, c'est écrit en italien, puisque évidemment. Marco, il est normalement les trois langues. La Suisse, voilà, il y a le français, l'italien, l'allemand, et le suisse. Voilà. C'est écrit, c'est ouvert. Bah, je m'engage, j'ouvre la porte. Il se rentre. Non, mais on rentre, il a raison. Eh bien, qui c'est qui ouvre la porte?